Vous savez, tous les soirs après Love in Fun, il débarque. Oui, il est là. Tous les trous du cul. Il est là. Comment ça va, Mickaël? Ah ouais, ça va et toi? J'avais une question pour le doc. On en a parlé hier soir, mais je voulais pas le déranger. Il était 1h30 du matin. Mais doc, est-ce que. Alors, les mecs, par exemple, qui se masturbent jamais, est-ce qu'il faut vider le matériel de temps en temps ou pas? Non, pas du tout. Il y a une idée fausse de croire que la masturbation est nécessaire. Il y a des gens qui se masturbent peu, voire pas du tout. Ils ne sont pas pour autant anormaux. Ils ont plus de pollution nocturne. C'est des éjaculations parce qu'ils ont des rêves érotiques et ça déclenche des éjaculations pendant le sommeil avec des cartes de géographie bien connues. Très bien. Mais il faut que ça sorte à un moment donné. C'est ce que je te dis, oui, c'est tout. Non, mais pas spécialement parce que c'est produit au moment de l'excitation. Il y a la prostate qui intervient, les vésicules séminales qui sécrètent le liquide, voilà, mais il faut de l'excitation pour ça. Si y a un souci, donc... Mickaël, tu peux nous appeler. Hein, de 20h à 23h, on est là. T'as peur d'être engorgé? Non, mais. On se pose la question à 1h30, je vous ai pas appelé. Doc à cette heure-là, donc voilà. Ah, il est dispo 24/24. Ah, bah, ouais. Ouais, vas-y. J'en prends bonne note. Parfait. Bon, bah, merci beaucoup. Tu as demain. Hein. À demain. Allez, bonne émission. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Karima, là, faudrait que tu demandes au doc là, quelques petits médicaments là, comme t'étais malade. Oui, t'inquiète pas, il s'occupe de moi. Bon, bah, alors c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Oui, ça ne m'étonne pas. Allez, bisous. Bonne nuit. Ciao. Salut, ciao. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Ça y est, on est arrivé. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, on est bien content de vous retrouver. Là, moi, c'est Mickaël. Pour ceux qui viennent de débarquer, tout simplement, M-I-K-L. Voilà, pas plus compliqué que ça. Je suis là tous les soirs de la semaine avec vous jusqu'à 2h du mat. Tous les dimanches également de 20h à minuit. Et pour me rejoindre, évidemment, vous faites le 01 42 48 5000. Ça fonctionne également si vous êtes en Belgique, bien entendu. 02 851 4x0. Et vous arriverez directement à l'antenne comme... Anthony qui est avec nous là. Ah non, c'est Zach, pardon. Bonsoir Zach. Bonsoir Zach. Salut. Ah, comment ça va Zach? Ça va et vous? Bon, écoute, ma voix plutôt pas mal, hein, plutôt bien, plutôt très très bien. Est-ce que toi aussi t'es passé par ça? Par le poulailler au standard avant d'arriver sur Kelly et sur Lilou, hein? Non, pas vraiment, mais non. Ouais. Ah, écoute, c'est bizarre parce que nous, on s'en rend bien compte pourtant du poulailler, hein, ça. Toute la soirée, hein. C'est non-stop. Bon, tu nous appelles pourquoi, toi, dis-moi? J'ai fait un pari avec des potes et ça a mal tourné, je me suis grillé. T'as fait quoi avec tes potes, j'ai pas compris? On a fait un pari. Ah merde, bon tu veux nous expliquer ça dans un instant. Oh, des paris on en a déjà fait aussi, hein, note, hein. Mais tu vas nous expliquer ça dans quelques instants, si tu veux, d'accord? Ok. Bon, parfait. Et puis vous, si vous avez envie de venir, n'hésitez pas à nous appeler. Donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Ce soir, nous avons évidemment notre champion du monde de course de mobylette. Hein, c'est Toff qui n'a pas eu de problème avec sa mobylette a priori aujourd'hui. Non, depuis que j'ai fait l'entretien, elle va beaucoup mieux. Bah oui. Vous pouvez l'entendre. Il est au taquet, exactement. Près, quoi. Ouais, quelques détails près, effectivement. Et puis, comment va le musicien de l'émission? Il va très bien, il va très bien. Polo, le virtuose du pipo, évidemment, attention. On y va. Voilà, au taquet, évidemment. Qu'est-ce bon. Qu'il est fort, ce Polo. Ah, mais ouais, c'est le talent. Oui, un grand talent même. Ce soir, j'ai du son, évidemment, pour vous. Alors, restez bien là, puisque je vous calerai plusieurs nouveautés, notamment le nouveau son de Macklemore. Avec White Walls. Il y a du lourd ce soir. Ah non, il est très très bien en plus. Ouais. On vous le fera découvrir tout à l'heure pour ceux qui connaissent pas. Je vous calerai aussi un son que vous aimez particulièrement pour l'instant, Back Your Mat. Voilà, ça c'est pas mal non plus. Et puis Manian et Floor Flyla. Avec Just Another Night. Voilà, ça c'est toutes les nouveautés qu'on vous a calées pour ce soir. Si vous avez un son en particulier à proposer, n'hésitez pas évidemment. Vous tapez le hashtag Mickaël sur le Twitter, n'hésitez pas. Et puis plus proche de nous, Carolina Marquez sur Fun Radio, ça va arriver tout à l'heure. Et puis je rappelle également qu'il y a tous les cadeaux, bien sûr, avec notamment la colle. Ce sera tout à l'heure aussi, hein, d'ici quelques minutes d'ailleurs même. La colle donc qui va vous permettre de repartir avec votre iPod Nano. J'ai aussi un iPad mini aussi à vous offrir tout à l'heure là. Et enfin en tout cas courant de la semaine, quoi qu'il en soit, il y en aura plusieurs. Et puis ce que je vais vous offrir aussi, eh bien ce sont les casques de DJ. Et attention, oh là là, j'avais presque oublié. Ouh. La grande nouvelle. Ah. Oh. Bonjour. Il est 23h04, bienvenue sur Fun Radio, Mickaël. Oui, bonsoir. Tout à fait, aujourd'hui est un grand jour car nous sommes mardi, jusque-là rien d'exceptionnel. Certes, la France a gagné, donc ça c'est exceptionnel également, mais bon, ce n'est pas ça le plus gros du problème. 23h04 et... Voilà, j'attendais juste qu'elles me regardent, parce qu'elles étaient en train de raconter leur vie encore comme d'habitude, les deux là. Donc, c'est de The Regular Day. Non. Bah alors, je comprends pas, il s'est passé quoi? C'est le drame, ouais. C'est le drame, on n'a pas nos règles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit que c'était mardi. Bah, on sait pas. Comment ça, vous savez pas? Bah, on sait pas, on n'a pas nos règles. Vous êtes enceinte? Oui, toutes les deux. Oh, ça y est. Oh, c'est bon ça. Deux d'un coup, dis donc. Ah putain, Tof, t'es reproduit, hein, apparemment, c'est, là. C'est mon super sperme. Hein, ouais, ouais, c'est ça. Tu parles, ouais, quelle horreur, quelle horreur. Oh, vous allez bientôt avoir un polichinelle. Bah ouais. Ah bah, chaud. Je pense qu'on va l'appeler Mickaël. Parfait. Puis, donc, voilà, et Tof. Ok, bah, ouais, ça fait trois, ouais, ça, du coup. Ça, mais ça y est, un moment. J'attends des jumeaux, moi. Ah, t'as des jumeaux, d'accord, ok. Bon, bah, très bien. Bon, bah, voilà, les filles au standard, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, donc 02 851 4x0. Alors, Zach, toujours avec nous, là, de Corse, toujours 19 ans. Tu es toujours là, Zach? Ouais. Bon, parfait. Bon, on parlait des paris avec toi. Alors, toi, t'as fait visiblement, puisque tu nous appelles, un pari à la con, tu l'as perdu, c'est ça? Pas que j'ai pas dit, parce que je me suis fait griller. T'es fait griller, c'était quoi le pari, dis-nous? Bah, on était avec deux potes à moi et c'était le premier qui arrivait à pécho la fille, et enfin une fille qu'on avait plus possible, et je me suis fait griller, et depuis je suis en train de me faire allumer par elle. Ah d'accord, ok, attends, donc ça veut dire que, attends, c'est juste pour être sûr que j'ai bientôt compris, c'est-à-dire que vous étiez avec un pote, vous avez fait un pari pour genre, bah avant telle date on arrive à choper un maximum de meufs chacun, celui qui en chope le plus gagne, c'est ça? À peu près. Grosso modo. Et tu t'es fait choper par la meuf, puisqu'elle a grillé, voilà, le pari, en fait. Ouais, et là, c'est une fille que je connais super bien, et ben, là, je suis en train de, je me suis fait allumer depuis dimanche. Hein. Bah, et qu'est-ce qu'elle te dit? C'est assez chaud quand même. Hein. Non, mais quoi, genre elle t'insulte? C'est quoi? Fais-nous rêver, ouais. Comme disent certains auditeurs sur le Twitter, là, vends-nous du rêve. Alors vas-y. T'es quand même cédé, tu penses qu'à ça, t'as une bille dans le cerveau. Oh bah attends, c'est la discussion que t'offres à tous les jours avec toutes les meufs, hein, donc, il est pas choqué, nous non plus. Hein. Moi je pensais que t'allais me vendre du rêve. C'est ça. Mais donc en gros, c'est ça le pari. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme pari à la con, perdu ou gagné, hein? Souvent quand je parie que je vais me choper une meuf, généralement ça perd. Bah maintenant en fait, pour qu'il arrive à choper une meuf, c'est-à-dire qu'en fait il fait l'inverse, il dit bah je parie que je l'aurai pas. Ouais, tu vois, c'est la psychologie inversée. C'est juste que je gagne plus facilement le pari, du coup. Ah oui, d'accord, ok, bah, forcément, ouais. Et toi, Polo, moi, je parie surtout, en fait, et en fait, comme je suis de mauvaise foi, je l'avoue. Et Polo, c'est un bâtard. Ouais. C'est un bâtard. Je vous explique un pari qu'on avait fait à l'époque. Tu me diras, Zach, si tu trouves que Polo a été honnête dans cette histoire. Ok? Je compte sur toi, tu seras juge. D'accord? Ok. Bon, alors. Et donc, moi, je foire toujours mes paris, et puis, en fait, je pars énervé. En fait, je m'énerve avec j'embrouille la personne. Ouais. Comme ça, je m'embrouille, et puis j'endors le truc. Tribunal. Oui. Tu es donc le juge, Zach. Je t'explique l'histoire. On fait un pari à l'époque. Polo et moi, on avait un petit peu de surpoids, surtout lui. Et donc, on avait fait un pari, genre le premier qui perd 10 kilos devait payer un iPhone à l'autre, d'accord? Ok. Ouais. Donc, Polo gagne de pas grand chose, mais il gagne effectivement. Il gagne. Voilà. Il a gagné, c'est vrai, de pas grand chose. Homme honnête que je suis, il reçoit un iPhone. C'est vrai. Un an après, on renétait de nouveaux prix, un petit peu de poids évidemment. On refait un pari cette fois-ci. Comme des porcs. Ouais, grave, ouais, bah, qui parle. Et donc on refait un pari, Zach, et là c'est moi qui gagne. Donc c'était celui qui perdait 10 kilos, de nouveau le même pari. Payer juste le billet d'avion, mais un billet d'avion aller-retour à New York, qui était grosso modo le même prix que l'iPhone. Je gagne. Ouais. Et bah qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, parce que je suis bon prince, je dis comme il gagne un peu moins que moi, évidemment, je lui dis, enfin il gagnait moi. Bon. Donc je lui dis, bah écoute, je dis vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il dit à ton avis? D'accord. Voilà, exactement, il a fait. Ah oui. Oh, bah d'accord. Alors que moi, je suis encore cool, je me dis, bon allez, il va dire non, un pari est un pari, je n'avais qu'à pas parier si je ne voulais pas perdre. Et ben non, il me l'a bien mis profonde, hein. Voilà, résultat, je lui ai filé un iPhone et moi je l'ai bien dans le cul. Donc voilà, à ton avis, qu'est-ce qu'il mérite? Je sais pas, peut-être un petit coup d'enflamme. Oui, ça me paraît honnête. Dans sa gueule, exactement. Et on remarquera que pour une fois, c'est pas Tof qui prend le premier. Hein. Ouais, je suis content. Exact. Plaisir. Voilà, ça lui fera les pieds également. Bon, eh ben écoute, Zach, reste avec nous. On va parler avec toi dans un instant. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme pari idiot ou pas? Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous avez perdu? Comment ça s'est passé? N'hésitez pas. On salue également David là, qui vient d'envoyer un message là sur le Facebook. Vous remontez le moral. Merci beaucoup. Je vous adore. Merci David d'être là tous les soirs avec nous. Louis aussi qui dit, vous pouvez caler le son de Martin Garrix avec Animals, s'il vous plaît. Vous êtes super. Pas de problème Louis, on te le passera tout à l'heure avant la fin de l'émission. À Marinette qui dit vous êtes super, je peux jamais vous quitter des oreilles, j'ai une question. Vous pouvez m'aider à reprendre mon ex, sans quoi je vous appelle parce que j'ai pas envie de me faire prendre. Bon écoute, appelle-nous Joe Standard pour que nous explique comment ça se passe à Marinette là. 01 42 48 5000, Clara ici qui dit ne jamais parier avec Michael. Bah ouais, bah, en même temps il a pas payé ce qu'il me devait là Polo. Hein. Miss Carter aussi qui dit beau gosse Polo, là tu l'as dépouillé. Oh salope. Et Eric qui dit salut Michael, Pipo et Pose Caca sont là. Bah bien sûr, oui. Évidemment, ils ont taqué même. Voilà. Bon allez, soyez les bienvenus, c'est Michael No Limit, on est en direct jusqu'à jusqu'à 2h du mat. Et puis on a la colle également avec David là, qui est avec nous là. Bonsoir David. Bonjour. Celui-là, c'est celui-là. Comment ça va? Ça va. Bon, allez hop, fais péter la colle pour gagner l'iPod Nano. David, on t'écoute. Alors la colle c'est quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Et il y a une réponse à donner à ça? Ouais. Bon, ok. Quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous avez jusqu'à minuit et demi pour jouer. Vous envoyez vos réponses sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Il y aura une photo, enfin il y a une photo avec l'iPod Nano. Vous répondez, vous laissez un commentaire avec la réponse. Et si vous êtes tiré au sort avant minuit 30, eh ben je vous offre votre iPod Nano dernière génération. Voilà. David, répète la question encore un coup. Alors, c'est quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Bon, bah très bien. Ah bah, tu restes avec nous, David. Vos réponses sur le ouais. Facebook jusqu'à minuit 30, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis, on va s'écouter le son de Carolina Marquez. Ce sera dans un instant sur Fun Radio. Venez prendre le contrôle de Fun Radio. Mikael No Limit, on est là jusqu'à 2h. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. No Limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël No Limit. On Fun Radio. Et vous êtes évidemment les bienvenus, hein. Venez faire de la radio avec nous jusqu'à 2h du matin sur Fun Radio. On est là depuis le 22 juillet à vos côtés évidemment. Et puis vous êtes aussi de plus en plus nombreux d'apport quand on voit sur le Facebook, le Twitter comment ça se passe et sur l'Instagram. Et bien continuez à venir nous rejoindre en un mois et demi, plus de 10 000 personnes là sur le Twitter de l'émission. Bah, continuez à venir nous rejoindre. Vous tapez Mickaël officiel, si vous me faites un follow, bah, moi aussi je vous suivrai à mon tour. Pareil sur Instagram, tapez Mickaël officiel tout simplement pour venir nous rejoindre. N'hésitez pas. Et pour gagner votre iPod Nano, là je vous donne rencard également sur le Facebook de l'émission. Vous répondez à la petite colle de David là, c'est quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Si vous avez la bonne réponse, j'allais vous donner un indice mais je le ferai plus tard. Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous balancez votre message sur le Facebook de l'émission dès maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Vous cliquez sur la photo où il y a l'iPod Nano et vous répondez. On revient dans un instant avec notre ami Zach, dans un instant, qui a fait un pari, il l'a perdu et donc forcément c'est un peu le bordel avec sa copine. On va vous expliquer tout en détail dans un instant. Et si vous avez déjà perdu un pari, 01 42 48 5000, c'est Carolina Marquez qu'on écoute maintenant. Sing la la la sur Fun. C'est Fun Radio et Carolina Marquez à l'instant avec Sing La La La. Et vous savez, on vous le passe souvent le showtech avec Booyah. Et ben ce soir, on va un peu changer. On va vous caler le son de Slowdown. Ce qui ne veut pas dire que je vous mettrai pas le Booyah tout à l'heure. Hein, on verra. Il y a Colin aussi qui a envoyé un message là qui dit purée hier j'ai failli rater mon bus vu que je vous ai écouté jusqu'à 2h du mat. Mais t'as déchiré, c'est bien justement Colin. Miss Carter qui dit mon pari ce soir c'est d'être top tweet. Et Arnaud qui dit aussi tu peux passer le nouveau tube de l'été avec le renard s'il te plaît là. C'est Arnaud qui avait demandé ça. Ah bah pourquoi pas, tiens je vous le calerai peut-être tout à l'heure le son avec le renard. Je vous l'avais fait découvrir dimanche soir sur Fun Radio à 20h, puisque tous les dimanches on est là à partir de 20h sur Fun Radio. Et en parlant de top tweet également, on va élire le top tweetos. Hier c'était Let's Be Freaks qui a repris son top tweet. Qui était du nouveau numéro 1 de pas grand chose, mais ouais. Elle a quand même gagné. Ce soir, quel va être le top tweetos? À vous de jouer, je rappelle le principe. Vous êtes donc sur Twitter, vous tapez le hashtag Mickaël un maximum de fois dans tous les sujets de conversation possibles et inimaginables, que ce soit avec nous, avec vos potes, avec la famille, avec n'importe qui, vous mettez le hashtag Mickaël. Et puis bah nous, on a un site internet en fait qui calcule tous les gens qui mettent le hashtag Mickaël et qui du coup nous donne les 5 premiers, même plus, mais enfin on se focalise sur les 5 premiers. Et donc du coup, si vous êtes top tweetos, si vous êtes le plus influent avec le hashtag Mickaël sur Twitter, eh ben vous serez donc élu top tweetos, le meilleur auditeur de la soirée. On fait évidemment le tirage final à 2h du matin, hein, juste avant la fin de l'émission. Donc voilà, vous discutez un maximum avec le hashtag Mickaël. Il y a Mathias aussi sur Twitter qui dit le renard vend du rêve depuis le temps que tu nous le demandes. Ben, on va te le mettre Mathias, t'inquiète pas. Il y a l'INSEE aussi sur Twitter qui dit ça fait une semaine que je vous écoute et franchement vous êtes au top. Merci l'INSEE, puis sur la bienvenue surtout. N'oublie pas de prévenir tous tes potes également qu'on est là, hein, pour ceux qui connaissent pas encore, vu qu'on est là depuis un mois et demi. promis, évidemment. Alexandre qui dit bonsoir, tu pourras passer aussi show tech avec Bouya. Bah oui, promis, on te le met avant 2h du matin. Et Mathias qui dit, tu peux nous balancer un coup de mitraillette sur les cours là qui nous empêchent de vous écouter tous les soirs jusqu'à 2h du matin. La mitraillette? Bon, allez, d'accord, ok. C'est bien parce que c'est toi pour la mitraillette, hein. Allez, je mets un coup de lance-flamme également, comme ouais. Ça t'es débarrassé de tous les cours là. Voilà. Voilà, là on est mieux, là on est vachement mieux en termes de cours. Là. Bon, bah, tous vos messages en direct sur le Facebook, tapez Mickaël officiel, sur Twitter et sur Instagram, là aussi vous tapez Mickaël officiel. Et si vous nous followez, eh bien je vous followerai également. Il suffit simplement de venir nous parler. Bon, Zach est avec nous là, toujours avec son histoire de Paris. Il nous avait appelé parce que, bah, en gros, il avait fait un pari avec un pote de se taper un maximum de meufs, c'est ça? Ouais, c'est bon. Ça. Sauf qu'entre temps, bah, ta meuf est tombée dessus. Donc, bah, elle a plutôt mal vécu. Elle t'a traité de tous les noms. Genre, tu pensais qu'à ça, t'avais une bite à la place du cerveau, etc., etc. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, on a également, je vous ai demandé ce que vous avez déjà fait comme pari à la con, perdu ou gagné, peu importe, hein. Et Jason est avec nous, là. Jason de la Réunion. Comment ça va, Jason de la Réunion, là? Bah, ça va très bien. Et vous? T'es en forme? Ouais, super. Bon, et je voulais remercier également tous les auditeurs parce qu'on est déjà en top tweet à 20 minutes du début de l'émission. C'est merci mal, à c'est vous. Ah bah, et pour vous. Ah ouais, parce que bon. Voilà, et pour la gueule de Toff. Voilà, et je mets en plus un coup de pelle dans sa gueule. Voilà. Tu veux faire un tour en mobylette ou pas, Jason, toi? Bah non, c'est bon, j'ai déjà ma moto, merci. Oh, c'est dommage, parce qu'en plus, Toff, il aurait bien voulu faire un tour en mobylette à la Réunion, hein. Ah bah grave, ah. Ah ouais. Si je peux faire un petit tour de l'île, moi ça me ferait plaisir. Avec ta mobylette, là, comment t'expliquer que c'est pas possible? Elle a un peu de mal à démarrer apparemment. Elle a un peu de mal à démarrer, ouais. Mais c'est parce que j'ai pas chargé voilà. Assez tôt, quoi. Mais il a le problème de flatulence aussi. Ouais. La mobylette, elle a des flatulences quand elle s'arrête. Mais enfin, soit. Bon, alors, Jason, à La Réunion, t'es quoi? T'es étudiant, toi? Ouais. Tu fais quoi à La Réunion? Lettres modernes. Lettres modernes, d'accord, ok. Genre lettres modernes, puis un peu plage, puis relettres modernes, puis plage. C'est ça. D'accord, ok, enculé, pardon. Merci. C'est sorti tout seul, je suis désolé, c'est sorti tout seul. Bon, non, mais sois le bienvenu, Jason, on va devenir amis, je passerai te voir et tout, on fera des soirées au bord de la plage en amis, bien quoi. Là, pour le coup, c'est moi qui vais t'insulter dans le filet, quoi. Bon, Jason, alors t'as fait un pari de quoi, toi, pour, tu t'es fait gauler, pas gauler? Bah, en fait, je me suis plutôt entubé, on va dire. Alors, dis-nous. Pari avec des potes... On allait se déguiser en meuf pour aller une soirée. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Jason? Nous avons perdu la réunion. Allô, la paix. La réunion. Ah merde, ça a coupé. Attends, on va le rappeler en live là. Attends, une seconde, on va le rappeler en direct. Zach, t'es là toi, hein? Ah ouais, je suis là. Non, parce que des fois qu'on aurait des problèmes de standard là, effectivement. Là, à mon avis, c'est juste un souci avec la réunion. Bon, on va essayer. Ou alors, il n'y a plus de batterie. Bon, c'est pas grave, on va essayer de le rappeler dans un instant. Ça ne sonne pas. Ah, Jason? Non, il est pas là. Bon, on va le rappeler dans un instant. Mais en parlant de Paris, on en avait fait aussi un à l'époque avec Toff. Là, on avait été à Bercy en travelo. Ah, c'était pas à Bercy, c'était au Zénith. Ouais, c'est pas grave, c'est pareil. C'était pour le concert de Karl Cox. Exactement, il y avait Karl Cox, on avait été là en travelo. C'était une horreur. On a terminé là, on est rentré, mais en plus, on est cons parce qu'on est rentré tous les deux dans la même voiture. Et on se retrouve, alors si vous voyez, donc sur Paris, tout près de la Défense, il y a l'avenue Charles de Gaulle. Et donc, on tombe en panne parce qu'évidemment, ce trou du cul de Toff, il faut toujours qu'il roule sur la réserve avec la voiture. Ça faisait au moins 3 semaines qu'il était dans la réserve. Mais non, c'est bon, ça va rentrer. Arrivé sur l'avenue Charles de Gaulle, on était 3h du mat, mais il y a quand même encore de la circulation. Dis la vérité, on voulait aller faire le plein. Sauf qu'en fait, on s'était pas changé dans ma voiture. C'est vrai. Et qu'on avait pas un centime pour mettre de l'essence. En plus, parce que tous les portefeuilles et les sacs et tout le bordel étaient dans une autre voiture, enfin, soit. Et donc, on se retrouve, en fait, sur l'avenue Charles de Gaulle. Pour ceux qui connaissent pas, c'est comme une grande avenue avec 4 bandes de chaque côté. Donc, il y a quand même beaucoup de monde. Et en plein milieu, qu'est-ce qui se passe? On tombe en panne. Heureusement, nous étions accompagnés de la police qui arrive derrière et qui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Sortez de la voiture, s'il vous plaît. Et bah, évidemment, le problème, c'est que, comment te dire, que quand on sort de la voiture, que la police est là et qu'on sort avec une robe, avec des talons aiguilles qui doit faire à mon avis 30 cm de haut, on la ramenait pas, hein. Ouais, donc du coup, le pire c'est qu'on a dû enlever les chaussures pour pousser la voiture parce qu'avec les talons c'était impossible. Ah non, mais c'était une horreur. Bon, dites-nous si vous avez déjà fait des paris idiots là. Est-ce que vous êtes déjà fait griller justement avec les paris? Qu'est-ce que vous avez fait comme pari idiot? Venez nous en parler. Lilou a déjà fait un pari idiot ou pas là, Lilou? Oui, mais j'ai honte de moi. Bah vas-y, dis-nous, c'est quoi? Bah en fait, c'était une soirée, je devais parier, j'allais pisser sur le paillasson de quelqu'un et je l'ai fait, sauf qu'à ce moment-là, la personne a ouvert la porte. Et du coup, j'y ai laissé mon iPhone parce que j'ai jamais osé demander le récupérer, j'ai eu trop honte. Attends, mais si tu me laisses ton iPhone, tu peux venir pisser devant chez moi, je me dérange pas. Bah, c'est pas, sinon tu me donnes l'adresse, moi je vais le récupérer ton iPhone. Ah ouais, ouais, ouais. Non mais attends, c'est quoi ce pari à la con? Mais vous êtes parti sur quoi? Vous étiez bourré? Ouais, on avait un peu bu et ça me faisait rire. Les toilettes étaient. Enfin, il y avait quelqu'un dedans, donc je me suis dit, je vais aller sur le paillasson. Oh là là. Bon, bah très bien. Écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas. Bon, avant de reprendre les paris dans un instant, on a perdu Jason, on va essayer de le rappeler. On aura Jordan dans un instant également, là, à propos des paris. Salut Jordan. Salut. Comment ça va? Bah, ça va et vous? Bah, ça va bien. T'as le kit Malif, toi, non? Non, non. Ah ben, c'est dommage. Pour une fois, j'aurais bien voulu que tu l'aies. Parce qu'on t'entend super mal, Jordan. Bon, t'appelles de Metz, toi. Comment ça va là-bas? Bah, ça va nickel, à part le temps, quoi. À part, bah, ouais, alors qu'on avait la réunion juste avant, tu vois, c'est quand même malheureux. Hein. C'est okay. Le grand écart entre Metz et la réunion. Bon, enfin bon. Okay. Bon, Jordan, on va parler donc de Paris dans un instant avec toi, c'est ça? C'est ça. Bon, parfait. Eh ben, ne bouge pas de là. En attendant, bah, Jason, on l'a récupéré. David est avec nous également pour la colle. Salut. Alors, David, on va se refaire un petit coup la colle. Ouais. Ouais. Alors vas-y, je rappelle que c'est un iPod Nano qui est à gagner encore une fois là ce soir. Si vous avez la bonne réponse, il faut aller répondre à la question sur le Facebook de l'émission en allant sur facebook.com/mikaelofficiel. Vous laissez votre commentaire et puis on fait un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Alors vas-y, David. C'est quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Ouais. Si vous avez la bonne réponse, vous n'hésitez pas. Alors ça peut arriver souvent, ce qui vous empêche de niquer votre copine. Ça arrive souvent. Enfin, c'est surtout l'excuse qui est donnée, quoi. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc allez-y. Vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Vous cliquez sur la photo de l'iPod Nano, vous laissez votre réponse. Et si vous êtes tiré au sort, c'est gagné. Quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? David, on te... Ah, il y a un message, on proposait un pot de colle. Non. Non, il y a Jérémy qui dit la mouche. Non. Non, il y a Eric aussi qui proposait la Miami. Non. Non, Baptiste qui dit le salami. Non. Bon, il y a Mal à mon petit cœur qui proposait la mycose. Non. Non, Cécilia la mimolette. Non. Oh là là, Maxime qui dit celui qui sait toujours, il impose. Non. Et alors Cindy qui proposait le tsunami. Non. Bon, bah vous êtes pas bon ce soir. Alors facebook.com/mikaelofficiel si vous avez la bonne réponse. On te récupère tout à l'heure, David, d'accord? D'accord, ok. Bon, bah parfait. Tiens, hey, Jordan et Zach, là, vous êtes toujours là? Ouais, ouais. Bon, vous avez choisi quoi comme option à l'école, vous? À l'époque, hein? Moi, italien. Italien. Et toi, Jordan? Allemand. Allemand. Et toi, David? Rien. Rien, bah c'est bien aussi. Hein. C'est la meilleure. Franchement, moi je trouve que c'est la meilleure option. Non, alors que si vous aviez été dans le Michigan ou aux États-Unis, vous auriez pu suivre le cours sur les zombies par exemple, ou alors en Irlande, c'est véridique, hein. Ou en Irlande aussi, vous pouvez faire une formation de Jedi. Et alors j'en ai plein d'autres. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Des cours étranges comme ça. À Liverpool, ils font le Master Beatles. Et en Islande, ils étudient les elfes. On va savoir. En Islande, ils étudient les elfes, les dingues. À Singapour aussi, il y a un cours que tu devrais suivre, Tof. C'est un cours de séduction. Je vais y aller. Je suis pas sûr de suivre la langue, mais. Bah écoute, tu devrais. Alors tu apprendrais sûrement pas mal de choses à mon avis. Puis j'en ai plein d'autres comme ça. Il y a même un cours sur les Simpsons et ça c'est quand même très fort. Imagine, t'es là, t'as les cours de Simpsons. Vous suivez les Simpsons, vous, Zach et Jordan, David? Un peu, ouais. Un petit peu. Non mais c'est quand même un truc de fou. Il y a aussi la science-fiction, là. Il y a la science des super-héros. L'étude du cannabis. C'est un truc de fou. T'aurais fait quoi, Zach, si t'avais pu choisir une de ces options là? Peut-être le truc chez les zombies. Les zombies, d'accord. Et toi, ouais. Jordan? Les Simpsons. Comment? Les Simpsons. Les Simpsons, pourquoi pas. David? Pareil, les Simpsons. Les Simpsons. Bon, bah très bien. Alors, allez, cours de zombies, t'imagines un pote en classe, là, truc. On va commencer le cours, attention les élèves. Hein. Vous êtes prêts? Oui. Non. Bon, très bien. Si, vous allez vous mettre au travail, là. Vous avez cru quoi, là? Bon, on va commencer ce cours de survie, évidemment. Attention, on fait l'appel. Zach? Ouais. Présent. On dit présent, Zach, ça commence mal ton année. Jordan? Présent. Très bien. David? Présent. Bon. Qui peut me dire qu'est-ce qu'un zombie? Un mort vivant, une personne qui est déjà morte mais qui vit encore. C'est une bonne réponse. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un zombie? Non. Non. Ça me rassure. Moi, j'ai rencontré un zombie. Stop. Attends, je m'en occupe. Il faut lui mettre un pieu dans le cœur. Voilà. Ah non, les zombies. Je viens de donner un indice. Non, ça, c'est les vampires. Je viens de donner un indice. Comment tuer un zombie? En tuant la tête. Oui, on peut mettre un lance-flamme également, ça marche aussi. Et si un zombie contamine 10 personnes en 10 minutes, combien de personnes saines contaminera-t-il en une heure? 60 000. 60 000. C'est pas mal. Jordan, t'as pas pris note, hein. Bon, c'est bon, là. Allez, l'école est finie. Rentrez chez vous, il vaut mieux. Hein. Vous me ferez pour demain toute. Hey, demain, par contre, je vous réinterroge, d'accord? Vous avez intérêt à être bon. Ok. Très bien. On se retrouve après avec après la récréation. Tiens, science. On fera science super héros. Pour ceux qui veulent participer à des questions de merde comme ça, n'hésitez pas. Hein. Science super héros. Et dites-nous aussi d'ailleurs qu'est-ce que vous auriez choisi là comme comme option si vous pouviez aller à l'école avec une option improbable comme la zombie tout le bordel quoi. Hein. Qu'est-ce que vous choisiriez comme option la plus improbable? Venez nous en parler 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Zach, Jordan et David, vous restez avec nous et puis on va se faire aussi le jeu de la rupture hein, car oui, c'est comme ça tous les mardis soirs sur Fun Radio, on se fait le jeu de la rupture. J'ai des casques de DJ à vous offrir si vous voulez jouer avec nous. Le principe est relativement simple, il suffit tout simplement eh bien de discuter au un maximum de temps avec une personne qu'on appelle totalement au hasard bien entendu et si vous avez si vous arrivez à tenir le plus longtemps, vous repartez avec votre casque de DJ. Si vous voulez jouer avec nous, vous appelez maintenant les filles au standard. Il y a Kelly, il y a Lilou qui est là également. 01 42 48 5000 pour la Belgique, c'est le 02 851 4x0. Allez-y, on vous attend. On aimerait bien jouer avec des filles. La semaine dernière, on a fait un 100% mec. Ce serait bien de faire un 100% filles ce soir, ou en tout cas 50-50. Je compte sur vous, je vous attends. On joue après le son de Showtech qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h et c'est Slow Down. Truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Ouais, c'est le numéro de téléphone à composer, hein, où que vous soyez, n'hésitez pas. Il y a Lilou, il y a Kali au standard. Ça va les filles? Très bien, oui. Très bien. Ah oui, mais je fous rien. Je suis là, je suis affalée. Je ne sais même pas ce que je fais là, voilà. Oh, j'ai mis sa race à Lilou hier, faut que je vous explique aussi. Hein. C'est-à-dire que, en fait, elle n'avait pas mon numéro de téléphone, donc je lui envoie un message, je commence à la chauffer. Genre, je suis à l'auditeur, si je lui dis, vas-y, imagine, écoute, tu veux pas qu'on aille boire un verre et tout? Au début, elle pensait que c'était un de nous, donc évidemment, elle s'est vite rendue compte que c'était pas le cas. Et donc, en fait, elle a eu sa race. Jusqu'à la fin de la soirée, elle a cru vraiment que c'était un psychopathe qui voulait la choper là, au, à la sortie de la radio. Hein. On l'a bien ri. Ah, mais j'ai eu trop peur, mais j'ai eu vachement peur, c'est taré. Mais on t'aurait défendu, Lily. Mais oui, bien sûr, oh. On t'aurait défendu, ah ouais, sans problème. Bah, attends, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Mais oui. On t'a connu quand t'étais toute petite. Mais j'ai eu super peur. Il me harcelait le message, mais vraiment quoi. Je lui dis vas-y, t'es relou en fait, t'es pas aussi gentil qu'à la radio, t'es vraiment une relou en fait. Vas-y, mais je viens à la radio ce soir et tout. Fais-nous une dédicace. Oui, j'avais demandé une dédicace, elle me l'a jamais faite d'ailleurs, c'est vraiment dommage. Bon, il y a Logs. L-O-G-C, sur Twitter qui dit vous avez été en top tweet là avec un match de France et la sortie de l'iPhone, franchement bravo. Ah ouais, merci à toi. Et d'ailleurs je vous ai mis les photos aussi des nouveaux iPhones, là, l'iPhone 5S et l'iPhone 5C. Allez les voir, hein. Dites-nous si vous préférez l'un ou l'autre. Des fois que quand on va vous les offrir, on sait lesquels vous préférez. Donc voilà, vous allez maintenant sur le Facebook, les photos sont dessus, facebook.com/mickaëlofficiel. Il y a Jonathan aussi qui dit cours de pipose s'il vous plaît. Oui voilà, c'est parti, attention, 3, 4. Et en parlant du Facebook, je vous invite aussi à aller dessus parce que j'ai mis un petit peu avant le début de l'émission, pardon, une vidéo d'un gosse qui joue avec, si vous voyez ce que je veux dire, le jouet de sa maman. Et qui court et qui court et il joue avec le jouet de sa maman. Je ne vous en dis pas plus, mais allez voir, c'est une vidéo qui dure 30 secondes. Le père se marre comme un ouf, la mère on voit bien qu'elle est pas à l'aise, mais donc voilà, je vais en parler en langage codé. Le bébé joue avec le jouet de sa maman. Vous avez compris ? Oui, voilà. Vous allez voir facebook.com/mickaëlofficiel. On va reparler des paris dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis les cours là, dites-nous aussi ce que vous feriez là si vous aviez la possibilité de choisir votre option là. On avait parlé des cours de c'est des véridiques hein, des cours de zombies, ouais. Des cours Jedi. De Jedi dans différents pays, des cours de Simpson, des cours d'elfes aussi en Islande, ça. Enfin bref, des trucs improbables. Qu'est-ce que vous choisiriez? T'aurais choisi quoi Tof, toi si t'avais pu choisir? Moi c'est Jedi ou cannabis. Jedi ou cannabis, ouais. Paulo, t'aurais choisi quoi toi? Jedi et Simpson. Jedi, ouais. Et Simpson, ouais, pourquoi pas. Il y a Clara ici qui dit aussi qu'il devrait créer l'option à Mickaël, sa vie, son œuvre, j'aurai 20 ans à tous les coups. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. Miss Carter qui dit slowdown, ça me transporte. Merci Mika pour le son, avec plaisir, Miss Carter. Cours d'épluchage d'ananas pour Jonathan. Il y a Once Upon a Time qui dit moi j'aimerais bien avoir des cours de meurtre et mon prof serait Dexter. Ah ouais, c'est pas mal. Surtout avec Dexter, c'est quand il arrive comme ça, bien à la cool. Ouais, c'est pas mal, c'est une idée, on va le garder pour. On garde l'idée en tout cas. Brandon qui dit moi c'est cours sur l'OM, mort de rire, je suis incollable. Jonathan qui dit cours de magie. Il y a Let's Be Free, je choisirais l'option Mickaël avec un avec quoi Mickaël, un cours qu'avec des émissions de vous qui seraient diffusées. Ah ben nous on se marrerait bien un moment ou un autre, hein, ça c'est clair. En plus on est payé en tant que prof, vraiment la classe, vraiment la classe. Bon, on parle dans un instant là de compter, on va continuer avec les paris. On aura Laura qui voulait nous parler aussi d'un problème. Et puis on va jouer au jeu de la rupture maintenant avec Paul et avec Énorance. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Énorance? C'est Émerance. Énorance, c'est ce que j'ai dit, non? D'accord. Bon, Énorance, alors toi t'appelles de Nantes, ça va bien Nantes, t'as 19 ans? Ouais. Tout va bien, t'as fait quoi aujourd'hui Énorance? Oh, pas grand chose. Bah, je me suis fait chier, voilà. Ouais, un peu, ouais. En gros, c'est ça. Et toi Paul, à Lyon, t'as fait quoi aujourd'hui? Moi j'étais en cours. Ah merde. Alors tu choisirais quoi toi comme option, si tu pouvais choisir une option? Moi je ferais un cannabis. Contrairement à ta voix, c'est marrant, à ta voix, on n'aurait pas dit ça. Ouais, ouais, ouais, c'est étonnant, effectivement. Bon, et toi, t'aurais choisi quoi, Énorance? Je sais pas, magie peut-être. Cours de magie, ouais, ouais, pourquoi pas, c'est vrai que ça peut être pas mal. Bon, on va jouer au jeu de la rupture maintenant. Le principe, je vous le rappelle pour ceux qui viennent de débarquer, tous les mardis aux alentours de 23h30 plus ou moins, on fait le jeu de la rupture. Le principe est simple, on appelle des gens au hasard complet, c'est-à-dire qu'on sait pas si on tombe sur un homme, une femme, un vieux, un jeune, un chat, un chien, peu importe. On appelle et le principe évidemment c'est de tenir le plus longtemps possible une conversation de rupture, d'accord? Mickaël. Ok, Paul, Énorance, qui veut commencer? Mickaël. Oui, Énorance. C'était pas du tout pour ça que j'appelais en fait. Non, c'est pas vrai, tu appelais pourquoi alors? En fait, j'ai appelé il y a pas longtemps parce que vous avez parlé des ruptures. Ouais. Et en fait, c'est Sandro qui m'a rappelé cet après-midi et je pense qu'on n'a pas dû comprendre de quoi je voulais parler. Mais ce n'est pas grave, on va parler Énorance de rupture après. Alors, mais c'est pas grave, du coup, on va jouer avec Paul et on va te reprendre après, Énorance. Bravo le standard! Bravo! Quand vous expliquez que là, on est au top là. Hein? J'avais inscrit pourtant donc. Ah bah oui, oui, pour parler d'une rupture, hein, pas pour faire le jeu de la rupture. C'est pas grave. Hey Paul, en attendant on va jouer entre couilles. Bon, on va appeler le premier, on va appeler le premier maintenant et puis on appellera. Bah alors du coup si vous voulez jouer les filles, on cherche une fille pour jouer contre Paul. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a des cadeaux pour vous évidemment. Bon Paul, on y va, on appelle le premier. La conversation la plus longue évidemment et le principe c'est de faire une discussion de rupture. D'accord, on y va? Allez, c'est parti, bonne chance Paul. On est avec toi, ça a bien se passé. Enfin, j'espère pour toi en tout cas. Alors, sinon il y a Sana qui dit au bac, moi épreuve Facebook et Call of Duty. Ah, c'est pas mal. Et JB qui dit aussi, je vous remercie pour votre émission, je vous écoute depuis peu, j'adore. Merci JB. Ah, il faut que ça sonne maintenant par contre. Hein. Ouais. Mais ça a pas déjà décroché? Bah non, apparemment ça a pas décroché. Bon, c'est pas grave, on va rappeler ailleurs, t'inquiète. Ah, voilà, vas-y Paul. Allez, allez. Bon, je l'appelle un autre en même temps, on sait jamais. Allô? Allô? Allô, madame? Allô? Allô, madame? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle, c'est la compagnie d'assurance des cases, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Nous avons la compagnie des cases. Ça veut rien dire, ce que vous dites. Non. Alors, non seulement elle t'a raccroché au nez comme une merde, mais Paul, qu'est-ce que t'as pas compris dans le concept du jeu? C'est le jeu de la rupture. Il faut appeler quelqu'un et lui faire un discours de rupture. Genre, écoute, je peux plus continuer avec toi, ça va pas, ce que t'as fait, tu m'as trompé, je te vire, je te dégage. Qu'est-ce que t'as été faire à la compagnie des gaz? Ah bah lui, il voulait rompre le contrat. Il voulait dire rupture de contrat, on fait ça tout de suite. Bon, Paul, on va faire comme si rien ne s'était passé. Tu as été d'accord mauvais, boum. Ah ouais, mais comment t'expliquer que t'as pas été mauvais là, Paul là, hein? Comment t'expliquer que t'as été plus que mauvais? Tout le public est là et te hurle. Bon, Paul, bon, t'as compris le concept maintenant? Ouais. Bon, Sephora qui est avec nous également là, ça va Sephora? Oui, vous. Comment ça va au niveau de la parfumerie? Hein? Comment ça va au niveau de la parfumerie? Nickel. Nickel, bah tant mieux. On va jouer au jeu de la rupture, t'as compris le principe toi Sephora? Ouais. Non, tu peux me le réexpliquer, je te... Bon alors je vais réexpliquer pour être sûr. Alors Paul, relote, on sait jamais, comme ça t'aurais eu trois fois l'explication. Bon, le principe c'est qu'on appelle des gens au hasard, ok? Oui. On appelle au hasard et il faut avoir une conversation de rupture. Comme si vous appeliez votre copain pour dire que c'était terminé. Genre, écoute, voilà, c'est terminé, je peux plus continuer avec toi. Il faut que la conversation dure le plus longtemps possible sans que la personne ne raccroche. D'accord? D'accord. Celui qui tient le plus longtemps entre vous deux aura gagné. On fait comme ça? D'accord. Bon, vous avez le temps de la pub. Et le temps de Manian également avec Flor Fila dans un instant. Just Another Night. Le temps d'écouter ça et on revient juste après. Ne bougez pas, Paul et Sephora. Et c'est Mickaël No Limit. On est en direct sur Fun jusqu'à 2h. Bougez pas de là. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. 01 42 48 5000 pour parler avec nous, là. Venez, venez discuter avec nous. Il y a Maxime aussi qui a envoyé son message, qui court de sport en chambre avec du bon matos pour s'instruire, évidemment. C'était qu'est-ce que vous choisiriez comme option à l'école si vous en aviez la possibilité. Basile qui dit cours de terreur d'élite. Le jeu de la rupture, c'est toujours celui de 7 minutes. Le record, c'est Mr. Steven. Ouais, ouais, c'est toujours ça, effectivement. En tout cas, là, c'est pas gagné ce soir. Pourquoi on les passe, les records? Ah, bon, enfin bon. Je rappelle qu'il y a toujours, évidemment, l'iPod Nano à gagner sur le Facebook de l'émission. Maintenant, venez tout simplement sur le Facebook tout de suite. Hein. Facebook.com/MIKL officiel. Vous venez sur la page et vous répondez à la question: quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Pour vous donner un indice, en général, c'est surtout les filles qui donnent cette excuse quand elles ne veulent pas faire l'amour. Voilà. Vous avez la bonne réponse. Facebook.com/MIKL officiel. Vous cliquez sur la photo où il y a l'iPod Nano et vous laissez un commentaire avec cette réponse si vous êtes tiré au sort avant la fin de l'émission, enfin avant plutôt minuit 30, je vous rappelle, en direct sur Fun Radio. Et en attendant, on se fait péter un nouveau son que vous découvrez là maintenant sur Fun Radio, c'est Manian, Just Another Night sur Fun Radio. Bonne soirée. Bye. C'est Fun Radio avec le son de Manian à l'instant et Flor Fila, là, c'était Just Another Night. Dites-nous si vous avez aimé le morceau, hein. C'est un nouveau son qu'on vous a mis là ce soir. Et puis vous balancez évidemment vos messages avec le hashtag Mickaël. En parlant du hashtag Mickaël, je vous rappelle aussi d'ailleurs, eh bien, que vous pouvez devenir top tweetos ce soir à 2h du mat à la fin de l'émission. Hier c'était Let's Be Freaks qui était top tweetos. Est-ce que ce sera encore elle ce soir? Le concept est simple, vous mettez un maximum de posts avec le hashtag Mickaël pour parler avec nous, hein, tout simplement, ou pour parler avec vos amis, peu importe. Vous mettez un maximum de hashtag avec Mickaël et puis si vous êtes top tweetos à 2h du mat, vous serez élu officiellement top tweetos, c'est-à-dire le plus l'auditeur le plus influent de la soirée sur Twitter et puis le meilleur auditeur de la soirée en fait, tout simplement. Pour l'instant, numéro 5, tu as Toff là ou pas? Oui, pas mal. Pardon, alors une seconde. Vas-y. Hop. Ah, et c'est un peu lent, hein. Bah oui, mais j'y pense. Parce qu'on a un vrai site, hein, qui calcule ça, hein. C'est oui, pas nous qui faisons ça, vous inquiétez pas. C'est l'informatique moderne, c'est un peu lent. Voilà, ça dépend où. Alors, enfin bon. Alors, numéro 5. Ah, pardon, numéro 5. Je pensais que tu voulais numéro 1. Bah non, numéro 5. Alors, c'est BDS Colline. BDS Colline. Bon, numéro 4, comme ça on voit ça bouge. Like Harlem. Like Harlem, c'est à nouveau ça. Salut, Like Harlem. Bah, il était là hier aussi. C'est vrai. Il était classé pareil hier et après. Et après, c'est la dégringolade. Bon, bah, comme ça vous savez, hein. Donc, hashtag et Mickaël au maximum. On donnera les 5 premiers, les 5 auditeurs les plus influents et surtout évidemment on aura le meilleur auditeur, l'auditeur de la soirée ou l'auditrice évidemment, qui sera célébré à 2h du mat. Et il y a Clara ici aussi qui dit qu'il y en a qui auraient besoin de cours pour jouer au jeu de la rupture. Je te le confirme, il y a Let's Be Flux qui dit le mec du jeu de la rupture est juste énormissime. Ouais, c'est clair. Et alors Mr. Steven qui dit c'est un champion le mec du jeu de la rupture là, il m'a fait péter une barre. Donc bon, on va essayer de faire un petit peu mieux là maintenant. Hein. Je pense que. Bon, non, c'est pas très compliqué. Hein. Retour avec Paul et Sephora pour le jeu de la rupture. Vous êtes toujours là tous les deux? Paul, Sephora? Oui. Parfait. Bon, on va jouer ensemble. Est-ce que je dois encore vous rappeler le principe? Non, c'est bon. On sait jamais, on sait jamais. Bon, je vais le faire. On appelle quelqu'un au hasard, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, donc Paul n'avait rien compris du jeu, donc il a appelé quelqu'un pour lui dire que c'était le mec du gaz. Et à mon avis. Ah, moi que c'était une vanne avec Toff. Le gaz. Il y avait peut-être de ça, non? C'est ça? Ouais, ouais. Ah, bah, d'accord, ok, alors très bien, on a compris. Pour comprendre, hein. C'est clair. C'est mollesse, là. Ah, ouais, arrêter, hein. C'est clair. Bon, tout va bien, Paul? Ouais, ouais, tout va bien. T'as pas enterré ta famille, là, aujourd'hui, non? Non, je suis un non. Ah non, mais c'était pour être sûr, comme t'as l'air un petit peu de tense, on dirait Lilou. Ah. On dirait. Non, mais c'est vrai, on dirait. Ah. Bon, Lilou qui est au standard, évidemment, hein, mais comme elle aime bien faire de la radio, elle préfère se mettre son écharpe devant sa bouche, couper le micro et être loin du micro, comme ça on l'entend bien. Mais non, mais c'est mon doudou. Ouais, son doudou, ouais, n'importe quoi. C'est parce qu'elle a honte, elle veut pas que ses parents la reconnaissent. Ah, peut-être aussi, ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans une émission si de débile comme ça? Avec ces connards. Bon, Paul, Sephora, on y va, qui veut commencer du coup? Ah, non, aussi. Ouais, mais Paul, t'avais commencé, tu vas continuer, tiens. Bon, allez, Paul, c'est parti. On appelle un numéro au hasard. Il faut que tu aies une discussion de rupture pendant un maximum de temps sans que la personne ne raccroche, d'accord? D'accord. Bon, on y va, c'est parti. Go. Premier appel maintenant, bonne chance. Et d'ailleurs, ce soir, on n'en fera qu'un seul d'appel. Voilà, vous n'aviez qu'à être bon dès le début. D'habitude, c'est chacun un droit à deux appels. On prend les meilleurs scores, évidemment. Oui, allô? Oui, allô, Baptiste? Vous voulez te dire que c'est fini? Allô? Allô, Baptiste? Oui. Non, c'est pas Baptiste. Je t'ai vu hier, ne me mens pas. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est ton numéro. Pas Baptiste. Qu'est-ce qu'il est pas Baptiste, bon ton numéro. Faites erreur de numéro, c'est pas Baptiste. Baptiste Richard, si c'est toi. Hop, terminé, 22 secondes. Mauvais, t'as pas été bon, mais Paul, il faut pas donner de nom parce que sinon le mec directement il dit non, c'est pas sa mère, au revoir. T'sais, il faut l'enfumer, il faut y aller. Bon, 22 secondes, c'est pas terrible. Hein. Sephora, t'as toutes tes chances, ma chérie, d'y arriver. Hein. Toutes tes chances. Bon, écoute, on y va. Attention, discussion donc de. Un peu de parfum, Sephora, et ouais, mais un peu de parfum, ouais. Bon, on y va. Discussion de rupture. Bah oui, Paul, t'as été mauvais, t'as été mauvais. On y va. Si tu fais moins de 22 secondes, c'est Paul qui gagne. Allez, on y croit, Sephora. Bon, je vais appeler un autre numéro au cas où, parce que comme il est déjà minuit, là. Ouais, bon, je sais pas où on était tombé, là, chez IT, peut-être, là. Le bon, on rappelle, un autre numéro, Sephora, on y va, vas-y. Sois concentré. Il y a Geoffrey qui dit, Toff, fais ta bruit de... Pas attribué. Ah bah bien ça, standard aussi là, le numéro est pas attribué là, c'est parfait là. Hey, on enchaîne les talents là, ouais c'est le stagiaire. Et hop là, l'autre il marche pas, numéro à raccrocher, on est parfait. On est au top. Pour l'instant c'est Paul qui gagne, je tiens à le rappeler. On appelle, encore un numéro, allez vas-y Sephora, hein, bonne chance si ça décroche un jour. Si vous avez des numéros hein, d'ailleurs à nous donner, n'hésitez pas. Hein. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique, vous balancez les numéros. De gens qui sont encore debout à cette heure-ci. Pas comme ceux qui roupillent. Allez, un effort. Allô? Oui, allô? Oh. Allô? Mais, bah oui. Parfait! Oh là là, 8 secondes! Ah, on est pas mal, là, on est pas mal. Le champion du monde! Ah, on est loin des 7 minutes de Priscilla. Hein. Et là, c'est les plus mauvais qu'on ait eu de l'histoire de ce jeu. Bon, bah, Paul. Ouais. Eh, ça me fait mal au cul, mais je vais te l'offrir le casque DJ. Hein, ouais. Mais ça me fait mal au cul, hein, parce que putain, t'as été mauvais. Oh putain. Bon, Sephora, bon, malheureusement. Très mauvaise. Ouais, là, t'as joué de malchance également en plus. Là, je pense que t'es tombé dans le sillage de Paul qui était mauvais, donc du coup, il t'a mis dans le pas de bol non plus. Enfin, bon, bref, un drame, quoi. Oh là là là là là là. Bon bah écoute Sephora, c'est perdu, on va comme te filer un pack fun, tu vas gérer ça avec Kelly au standard, d'accord? Merci. Bon bah gros bisous Sephora. Hein. Bisous, au revoir. Salut, salut, Paul, allez le casque ouais. Il est pour toi. Hein. Bravo. Ouais, hein. Sympa. Ils vont t'insulter sur le Twitter et sur le Facebook là, je pense, c'est clair. Ouais. Mec, il a été mauvais, il gagnait avec un casque. Bon, enfin, qu'est-ce que tu veux, c'est la règle. Salut Paul, bonne soirée. Ouais, salut. Et je vous rappelle également que si vous voulez gagner vos stickers de l'émission pour les coller un peu partout au bahut, etc., etc., n'hésitez pas évidemment à appeler Lilou maintenant au 01 42 48 5000 ou alors vous lui faites un mail Lilou, Lilou @funradio.fr et envoyez-le deux fois. Deux fois avec toujours. Vos coordonnées bien sûr hein, pour qu'elle puisse vous envoyer les stickers. Elle fera ça dès demain matin 6h. Avec ses petites voix. Avec plaisir. Ah, ça c'est bien. Et puis ce qui est bien avec Lilou, c'est qu'on voit que c'est pas une faux cul quoi. Non. J'ai pas du tout les dents qui règlent le parquet, tu vois. Pas du tout. Bon, donc voilà, lilou@funradio.fr. Je vous mettrai son mail également sur le Facebook, comme ça vous allez pouvoir lui écrire sans problème, avec vos coordonnées complètes pour recevoir les stickers. Sinon, vous appelez le standard maintenant, elle est encore là, hein, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, 02 851 4x0. Voilà, Lilou, elle est là parce que je voyais que tu t'ennuyais un petit peu là. Ouais, c'est vraiment gentil, ah, merci. Mais Michel. Écoute, avec plaisir, tu sais bien que tu peux compter sur moi, hein. C'est toujours un grand plaisir. Bon, on va. Qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? Ah oui, on va récupérer Jordan déjà là pour la drague. Là. Jordan, enfin pas la drague, mais ouais. Paris. Ça va Jordan, toujours là? Ça va et vous? Bah écoute, ouais. Là on va plutôt mal. Qu'est-ce que t'as pensé du jeu de la rupture là? Ils étaient bons ou pas? Oh, franchement, c'était pourri quoi. Qu'est-ce qu'ils étaient mauvais quand même? Oh, là. Tous les deux quoi. Tous les deux, il n'avait pas un pour rattraper l'autre. Ah, déception totale. Et toi, Zach, t'en as pensé quoi? Pourri aussi, lamentable même. Un drame. Un drame. Et le pire, c'est qu'ils ont gagné les cadeaux, hein. C'est ça le pire. Ouais, moi, je trouve que t'aurais pas dû les donner, hein. Bah, non, c'est la règle. Le but, c'est celui qui tenait le plus longtemps. Bah, il a tenu le plus longtemps. 22 secondes. Je pense secondes. Qu'on rajoute une règle. Celui qui fait pas 30 secondes, il gagne rien. On peut, éventuellement, évidemment, à partir de la semaine prochaine. Il y a Laura qui est avec nous également, là. Aussi, une de Metz, là. Comment on dit? Les mécènes, c'est ça? Messin. Messin? Ouais, Messin. C'est pour ça que je le sais. Et pour les filles aussi? Bah, les Messines, mais je préfère Messin. Ah, ouais, d'accord, ok. Ça va, Laura? Oui, ça va. Bah, bienvenue à toi, Laura. 18 ans, toi. Comment ça va, Metz, aujourd'hui? Ouais, ça va, un peu froid, mais ça va. Ah, mais comme Jordan. Hein. Bah, écoute, nous, on n'est pas très loin en même temps de chez toi. Hein, donc, oui, il fait froid aussi, quoi. C'est un peu ça. À part dans le sud, de toute façon, il y a la Réunion, il se passe pas grand chose, hein, en termes de temps. Bon, Laura, on parle de quoi dans un instant avec toi? Tu nous appelles pourquoi, dis-moi? Un petit problème au niveau de mon copain et d'un garçon qui me tourne autour. Bon bah très bien, bah écoute on va faire ça dans un petit instant là. Attends, ne bouge pas de là. Il est en train de te tourner autour là. Ouais actuellement là. Il tourne autour de toi ou pas? Ouais là il fait des ronds. Ah bon. D'accord, ok, très bien. Bon, alors fais attention parce que le mec il peut être un peu bizarre, si tu veux on peut appeler les secours hein. Non mais moi non, je dis ça c'est pour t'aider quoi, c'est pour pas qu'il y ait de problème. T'es sûr que tu veux pas qu'on appelle les secours hein? Non, c'est bon. Bon, d'accord, ok, comme tu veux, y a pas de souci alors. Bon, alors, du coup, Jordan, pour en revenir au pari, toi, avant de reprendre Laura dans un instant, t'avais fait quoi comme pari à la con que tu as perdu ou pas? Bah, en fait, on était en boîte avec des amis. Puis, ouais. Le pari, en fait, c'était de draguer la plus moche. La plus moche, ouais, ok. Et bah, en fait, j'ai dragué une fille, puis je me suis retrouvé. Ouais. Qui en fait c'est la fille de mon patron d'apprentissage en fait. Oh bah dans ta gueule tiens, bah hop là, bien fait. C'est tout ce que tu méritais de Jordan. Ah mais carrément quoi, puis le mec bah, il m'a fait subir bah, pendant toute l'année de mon apprentissage quoi. Mais tu l'avais ken ou pas la meuf? Ouais. Ah ouais, c'est ouais. Normal alors, hein, t'avais mérité. Ah ouais franchement tu l'avais mérité. Carrément quoi. Il t'avait fait quoi comme truc de merde du coup pour se venger? Bah j'étais en cuisine en fait. Et alors il a fait quoi? Genre nettoyer par terre et tout? Exactement. Bah ouais mec, t'as cherché. Alors que si t'étais resté avec sa fille, t'aurais été le mec le plus heureux du monde. T'aurais rien dû faire, t'aurais eu des bonnes notes. Exactement. T'aurais été très très bien même. Et du coup la fille l'a vécu comment? Parce qu'au final c'est elle la victime, la pauvre. Bah la mal pris aussi quoi. C'est ouais, j'en ai pris plein la gueule on va dire quoi. Sans déconner. Laura t'as déjà eu toi ça un pari stupide? Non, je suis pas comme ça, moi. Ah, mais tu sais, t'aurais été peut-être été la victime peut-être d'un pari, je sais pas. Non. D'accord, non, mais moi je me posais. Elle a peur. Non, je comprends. C'est pas grave, hein, t'inquiète, hein, on t'en voudra pas. Hein. Non. Ah, non, mais pour être sûr, quoi, c'est pour être sûr. Non. Bon, Zach, encore un truc à ajouter sur les paris? Non. Oh, non, pas spécialement. Bon, écoute. Je voulais juste m'excuser auprès de ma copine, c'est pour ça. Mais c'est trop tard maintenant, t'as fait de la merde. Ah bah oui, t'as fait de la merde, fallait assumer avant, fallait ouvrir les yeux, fallait réfléchir avant, effectivement. Bon bah salut Zach. Ouais, ok les gars. Allez, bonne soirée. Hein. Hey Zach, de la part de ta copine. Voilà. Salut Zach, à bientôt. Hein. Salut. Ciao. Jordan, encore un truc à ajouter à Metz? Non. Bon d'accord, ok, bah tu reviens quand tu veux. Ça marche. Salut Jordan. Et bon, et Laura, avant de parler avec toi, on va d'abord réaccueillir plutôt notre ami David pour la colle. Je rappelle qu'on donne la réponse dans 30 minutes sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Alors attention, répète la colle, David. Alors, la colle est: quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? L'ami molette? L'ami molette. Ah, c'est pas mal. Non. L'ami de pain? L'ami de pain. Comment? L'ami de pain. Non. Non, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? L'ami. Soi-même, c'est Maud qui proposait? Non. Non, Sana qui proposait les règles? Non. Non, d'accord, ok. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Alexandre qui proposait la mitraillette? Non. Non, bon, d'accord. La michetonneur pour Pierre? Non. Non, il y a Grégory qui dit mon ex-femme. Oh, ça aurait pu être une bonne réponse. Ça saute aussi sur le Facebook qui proposait la fatigue. Non. Mickey, ma belle-mère. Non. Non, Pierre qui dit l'amigale. Oh, c'est bon ça. Non. Non, Gwendoline qui dit l'ami qui colle au cul. Non. Lilou qui dit l'ami ricoré. Bon, pas notre Lilou, hein, une autre. L'ami ricoré. Ouais, elle aurait pu, hein, complètement. Bon, ok, bon, bah, si vous avez la bonne réponse, vous êtes pas bon ce soir, hein, toutes les mauvaises réponses qui fusent là. Si vous avez la bonne réponse, donc, quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Vous avez la bonne réponse, rencard sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis, bah, vous cliquez tout simplement sur la photo où il y a l'iPod, vous laissez votre bonne réponse. Et si vous êtes tiré au sort dans moins de 30 minutes, vous repartez avec l'iPod Nano. Juste un indice quand même, parce que c'est vrai que peut-être un petit peu plus compliqué que d'habitude la colle. C'est une excuse que les femmes donnent souvent pour ne pas faire l'amour. Voilà. Oui, tu voulais dire, David? Ouais. Est-ce que tu peux me suivre sur Twitter? Est-ce que tu... Oui, bien sûr. C'est... Bah, tu m'as followé, toi? Ouais. Il y a longtemps? Ouais. C'est quoi ton pseudo? C'est @bmdaviddadoun. BM? Daviddadoun. David? Dadoun. Ah bah oui, je te vois, ouais. Oh là là, mec, c'est quoi cette tête, David, là? T'es sérieux? Ouais. Oh, il a pris une photo, je vous explique. Bon ben voilà, je viens de te faire le follow, comme ça tu l'as, David. Ça va, tu l'as vu là? Ouais. Voilà, eh ben. Oui ou non? Non. Ah attends, je viens de le faire, hein. Donc c'est que ton téléphone il foire parce que je viens de le faire. Hein. Si, c'est bon. Ah, merci. Voilà. Bah écoute, avec plaisir, David. Bon, les autres, si vous voulez, n'hésitez pas. Hein, vous tapez Mickaël officiel sur le Twitter. Vous me faites un follow. Et puis, comme David, je vous follow également. Il n'y a pas de problème. David, tu restes avec nous. Laura, tu es sur Twitter aussi, toi ? Oui. Oui. Et oui. Tu m'as déjà fait un petit follow, Laura ? Oui. Oui. Et je t'ai follow aussi ? Ben, en fait, non. Bah alors, c'est quoi ton. Vas-y, balance. C'est quoi, Laura, là ? Oui. C'est quoi ton pseudo là, sur Twitter ? Il tombe. Vous moquez pas, hein. Non, mais c'est pas le style, Laura. Vas-y. L. Du bas, là. Attends, L, la barre en bas. Oui. L, ah ouais, underscore, ouais. Troll. troll, ouais. Et, ah, non, c'est Lorraine, c'est pas ça? Non. Oui. Non. L underscore, et puis donc T-R-O-L. Deux L. Deux L, ouais, c'est ça? E. Non. Bah quoi alors ? Juste comme ça ? Oui. Bah je te trouve pas. Donc L underscore troll. Bah non, je te trouve pas. Hein. Oh bah mince. Bah oui, comme tu, je te confirme. Oui. Non mais je te confirme. Bah écoute, je sais pas moi, renvoie-moi ça sur le mais, sur mon mail par exemple ou refais une demande là sur Twitter et je te suis, mais là je te trouve pas, Laura. On va essayer de chercher dans un instant, bouge pas de là. Bon Laura, on va parler avec toi dans un instant puisque tu es en couple et le meilleur ami de ton mec te tourne autour, c'est ça ? C'est exactement ça. Eh ben, on va en parler. Alors, ne bouge pas de là, Laura, David, ne bouge pas de là non plus. Si vous voulez parler avec nous ce soir, eh bien, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000, venez prendre le contrôle de Fun Radio, hein, tout simplement. 01 42 48 5000, et pour la Belgique, 02 851 4 x 0. Tiens, il y a Geoffrey qui dit, le pari stupide qu'on m'a fait, c'était boire du coca avec du chocolat, d'orange et du lait. Bon appétit, bien sûr. Allez, on revient après Stromae sur Fun Radio. C'est la nuit sans pub jusqu'à 2h, là. Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Bonne soirée, bonne nuit avec Fun Radio. On est là jusqu'à 2h du mat. Il n'y a pas de pub, d'ailleurs. Jusqu'à 2h du matin, ce soir, sur Fun Radio. Alors, profitez-en bien. C'est Stromae, à l'instant, le belge de Papa Outé. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Et je vous cale le son de Lady Gaga tout à l'heure aussi avant une heure là. Applause. Encore un son que vous avez découvert chez nous. Et depuis il doit cartonner dans l'iPod à mon avis. Hein. Et pas que dans l'iPod effectivement. Lady Gaga, je vous cale aussi, vous l'avez demandé avant une heure du mat là, le son de Backer Matt avec Van Dack. Et c'est hollandais ça. Il y en a beaucoup qui demandent, un Backermat s'écrit B-A-K-E-R-M-A-T. Et si vous avez envie d'écouter d'autres sons, là, n'hésitez pas. Tout à l'heure, je vous cadrerai aussi le nouveau son de Michael Moore et puis on l'avait demandé Showtech. Alors ça, vous me le demandez tous les soirs, donc forcément, je le mets tous les soirs. Showtech, le nouveau, et bouillia. Il y a Clara C aussi qui dit j'aime bien la nouvelle coupe de polo, elle est de plus en plus beau. Bon enfin en même temps la coupe comment vous expliquer que c'est rasé le crâne donc. Mais oui. C'est-à-dire qu'en termes de coupe, il y a quand même mieux. Hein. Non, je suis pas d'accord, il est beau gosse polo. Ouais. Il y a Mathias merci aussi qui dit sur le Twitter, dédicace au territoire de Belfort. Bon, on embrasse tout le monde là-bas. Miss Carter qui dit Mika, veux-tu m'épouser? Je fais des pancakes trop bons. Alors si t'arrives à faire des pancakes aussi bons, j'ai été dans un hôtel pendant les vacances, je suis resté juste une nuit dans cet hôtel-là malheureusement. C'était mais juste une tuerie, les pancakes étaient énormes, super bons, à la coco. Ils étaient faits évidemment maison, c'était juste exceptionnel. Tu sais que ça prête un peu à confusion, Mickaël, ce que tu viens de dire. Hein. Pourquoi ? À la coco. Non mais d'accord, enfin c'est un noix de coco quoi. Oui, voilà. Ça, avec du coco, pas à la avec coco. Avec du coco et pas à la coco, surtout, c'était pas de la coco quoi. En plus, c'était au Costa Rica, donc je veux dire que c'est dans un endroit un peu glauque. Donc ouais, mais enfin, c'était super bon quand même. Et alors, tu devais voir le truc pour vous expliquer comme ça deux secondes, je raconte ma life. Mais si vous voulez, j'arrive, donc c'est un hôtel où il y avait personne, mais pas un chat. J'avais réservé sur hôtel.com pour avoir moins cher. Et donc j'arrive, c'était vraiment le moins cher pour le coup. Ouais, tu savais pourquoi ? C'est parce qu'il y avait personne. Mais non, mais l'hôtel était super cool, super cool. Chat, apparemment. Et puis à un moment, je rentre dans l'hôtel, si tu veux, avant de me garer. Et puis je vois un mec, parce qu'il pleuvait le soir, il y a un mec qui sort avec son parapluie. Mais tu sais, il était avec des espèces de grandes bottes comme ça, sauf qu'il fait 30 degrés là-bas, donc tu te demandes pourquoi il a des bottes en caoutchouc. Le mec, il sort, il, en anglais comme ça, il dit c'est vous qui avez réservé la chambre d'hôtel ? C'est tough ! Je fais ouais. Et je dis ouais, il me dit bien, venez. Je dis bah attendez, je vais garer la voiture, je vous attends. Et il reste comme ça sous la flotte. Ah ouais, t'as cru que t'étais dans un film d'horreur toi. Mais grave. Et puis je rentre et il y avait personne et toutes les fenêtres étaient ouvertes. Et je dis mais vous êtes tout seul? Il me dit oui, il y avait personne ce soir, j'ai failli fermer, je vous attendais. Putain, tu te dis oh merde. En vous plus, avez la chambre 13. Ouais, c'est ça. Normalement, vous avez une petite chambre, je vous ai mis la suite de luxe. Carlotte, elle est vide. Bon, ok. Je vous attends demain matin pour le petit déjeuner. Bonne nuit. Bon, bah, on va essayer, hein. J'ai fermé tout à clé. Enfin, en fait, le mec était super cool. Voilà, c'est la petite histoire. En fait, il m'est rien arrivé, sinon je ne serais pas là pour le raconter, évidemment. Ah, quoi que ça aurait pu faire une bonne histoire. Hein. Ouais, on ne sait pas, peut-être tu as été envoûté. Non. Ah, peut-être, va savoir. T'imagines un peu, peut-être qu'il y a un esprit costaricain en moi, va savoir. Demain, tu vas avoir la tête qui va tourner. Bah, peut-être, ouais. Il y a Brandon qui dit putain, trop mauvais les deux, là, qui ont fait le jeu de la rupture. Ah oui, c'était pas bon, hein, c'est clair. Sampai qui dit la route est longue, heureusement, il y a Mickaël. Eh bah, bon courage pour tous ceux qui sont sur la route, les routiers, les taxis, ceux qui, bon c'est peut-être un petit peu tôt, mais ceux qui vont commencer à préparer au niveau des boulangeries là, qu'est-ce qu'il y a aussi, alléluia, Paul avait enfin compris, c'est Mathias, et puis Emeline qui disait t'es mauvais, il ne faut pas lui laisser le temps de parler aux gens quand tu les appelles pour le jeu de la rupture, ah bah toi t'as compris comment ça marchait au moins, nous voilà rassurés. Bon, le gagnant de la colle aussi dans un quart d'heure sur Fun Radio, et puis Laura qui est avec nous, allô Laura. Oui. Dis donc, tu regardes souvent la télé toi ou pas? Ouais, ça m'arrive. Ça t'arrive, est-ce que tu regardes les ch'tis sur W9? Non, pas trop, non. Pas trop. Alors c'est dommage, tu rates un truc, hein, parce qu'il y a Adixia qui était dans les chiens sur W9. Et comment vous expliquer qu'en fait elle parle sans mettre au pluriel. Et alors du coup, bah forcément ça rentre pas quoi. Oh pardon, ça c'était Van Dyke, autant pour moi. C'était... Pour le lavage de cheval. Le lavage de cheval. Louise. Voilà. Voilà. Et un bécherel pour le Adixia. Lavage de cheval est toujours évidemment sur W9. C'est Jordan qui essaye de sortir des expressions mais qui n'arrive pas très bien. Quoi. En gros, j'ai pas voulu leur faire de mal ou leur dire mal. Et là, je vois Vincent qui monte encore sur ses grands poneys là. Oui, parce que. Alors, il y a Adixia qui dit que c'est les grands chevals, les chevals, pardon. Et avec l'autre, c'est l'autre qui a voulu te montrer sur ses grands chevaux. Non, oui. Il monte sur ses grands poneys. Ouais. Alors, tu vois, tout de suite, c'est à moins. Du coup, c'est à moins de classe quoi. Tu vois, les grands poneys. Ça fait moins. Ouais. Ridicule, dis donc, ça. Tu vas te calmer, tu vas pas monter sur tes grands poneys. Hein. Ça fait con, c'est quoi. C'est ridicule. Voilà, moralité, non, si là. Vous voulez vous instruire, hein, n'hésitez pas, regardez donc les ch'tis, c'est sûr. W9, voilà de quoi se marrer. T'as vu, Laura, ça t'a pas donné envie? Non, pas trop, non. Comprends pas, pourtant on avait choisi le meilleur moment. Hein. Oui. Attends, on va quand même le refaire pour être sûr. En gros, j'ai pas voulu leur faire de mal ou leur dire mal. Et là, je vois Vincent qui monte encore sur ses grands poneys, là. Ah ouais, sur ses grands poneys. Pour le lavage de cheval. Le lavage de cheval. Alors, soit vous voulez dire du cheval, soit des chevaux. Mais il y a un moment, Adixia, ça ne rentre pas. Hein. Ça, n'est pas possible. Bon, Laura. Oui. Oui. Chaque fois que je fais exprès pour vous poser une question, tu veux répondre oui, parce que c'est rigolo comment tu dis oui. Non, c'est vrai? Mais oui. Mais oui. Attends, on va recommencer. Alors, Laura? Oui. En fait, on dirait que tu l'écris W-I. Ouais. W-U-I. Oui. On va refaire. Alors, Laura? Oui. Là, tu l'as mieux fait, là, Laura, c'est bien. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Laura? Dis-moi tout. Bah, en fait, j'ai un petit souci au niveau de ma relation que j'ai avec mon copain depuis 2 mois. Ouais. En fait, il y a environ 1 an, je suis sortie avec un fake. Un fake. Ah, un fake. Tu sors. Comment est-ce qu'on sort avec un fake? C'est-à-dire, je comprends pas. C'était un faux mec à la base. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà. En fait, je suis sortie avec via Internet en faisant un jeu. Ben, lâche con, quoi, quand on est jeune et qu'on croit à tout. Ouais. T'inquiète pas, il est encore jeune, il est plus jeune, il croit à tout quand même. Hein. Ah ouais, moi sur Internet, moi je crois à tout. Hein. Ah ouais. Surtout quand ça fait 90C. Ouais, ça, je peux tout gober à 90C. Ah oui, oulala, ouais, complètement. Bon bref, et donc du coup, t'as fait un jeu à la con, c'était quoi le jeu? Ça s'appelle le second degré. Et c'est quoi? Enfin, je sais ce que c'est le second degré, hein, mais le concept du jeu en lui-même. C'est un jeu en fait où on interprète la vie d'un personnage. D'accord. C'est comme les Sims. Ouais, ok. Ouais, c'est con, mais bon, bref. Ouais, c'est con, ouais. Je te confirme, hein, c'est pas terrible comme jeu. Bon, face what, vas-y, continue, ouais. Et en fait, après, avec ma meilleure amie, on a décidé de vouloir aller plus loin, quoi. Et puis, j'ai appelé la gendarmerie pour savoir si la personne qu'il me disait être existait vraiment. Et on m'a dit qu'on pouvait pas m'aider. Donc après, j'ai pressé le faux pour savoir le vrai. Et ça s'est avéré être une fille. D'accord. Et mais genre après, une fille en fait... qui t'a dragué juste pour foutre la merde ou une fille qui aimait les femmes? Non, bah a priori elle m'a dit qu'elle aimait pas les femmes quoi, elle s'est tapé un petit kiff quoi. D'accord, bon soit, ok, d'accord, continuons. Et après ben, j'ai fait la rencontre de Nicolas qui est le meilleur ami de mon copain en ce moment. En août dernier, et en fait, on était à moitié ensemble pendant 8 mois, il m'a fait espérer. Attends, comment ça, à moitié ensemble? C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un ou tu ne l'es pas? Non, tu... Oui, mais je veux dire, il y avait l'espoir derrière, et il me disait je t'aime, il me disait ce que je voulais entendre. Oh, t'es tombé sur Toff. Non, bah oui. Non, moi, je leur dis même pas ce qu'elles veulent entendre. Ça, bon, bah ça dépend, hein. Bon, et puis? Et puis après, au bout de 8 ou 9 mois, bah, je suis tombée amoureuse de son meilleur ami, Rémi. Wow. Ah merde. Qui était aussi mon meilleur ami. Et donc du coup, bah, lui en fait, Nicolas, il m'avait dit que ça marcherait pas entre nous, donc du coup je me suis rapprochée de Rémi. C'est genre l'autre qui est voyant là, c'est, ça marchera pas entre nous. Ouais. Je suis tombée, ça ne marchera pas, laisse tomber. Oui, bah, c'est exactement ce que je lui ai dit. Ouais, et puis vas-y. Ah, c'est exactement ce qu'il m'a dit en plus, ah, hein, mot pour mot. Oh, mais tu vois, quand on disait que Toff était un gros mytho quand même, hein. Tu vois, c'est, il a les répliques du connard. Bah évidemment, attends, connard.com, hein, moi j'ai tout pris là-dessus. Évidemment, d'ailleurs, c'est son site internet. Bon, et donc après avoir dit ça. Bah en fait après bah je me suis mise avec Rémi, ouais. Et Nicolas il me correspondait sur tous les points parce que moi j'adore bah les garçons aux yeux bleus. D'accord. Et tu l'as vu la famille de Rémi ou pas? Ça c'est drôle, oui, ça, bah... une vieille vanne de vieille série là que oh là là là là. Bon soit. D'abord c'était pas une série, c'est un livre. Oui, un livre, oui. Et bon, un dessin bref. Animé. Rémi sans famille ou quoi? Exactement. Ou quoi? Bon. Alors, et donc t'es sorti avec Rémi, et puis l'autre forcément il s'est rendu compte qu'en fait finalement il avait raté un truc, et donc du coup il te retourne autour. Ben justement, je sais pas trop comment le prendre parce qu'il me refait à moitié des avances là, et puis je sais pas comment réagir. Et qu'est-ce qu'il fait comme avance? Qu'est-ce qu'il fait, dis-moi? Ben en fait, déjà. Il m'a Attends, ne dis rien. Toff fait des avances à Laura pour voir si ça coïncide. Comme Toff est un connard, on va directement savoir si le deuxième mec est un connard aussi. D'accord, okay. Alors je me mets en situation. Alors situation. Donc t'es seule en ce moment, Laura? Seule. Bah t'es un mec ou pas? Oui, bah oui, Rémi. Ouais, mais toujours avec. Ouais, mais ça se passe pas très bien avec lui. Bah justement, je sais pas trop quoi faire. Ouais, voilà, donc tu vois, moi je pense que tu devrais un peu oublier tout ça et moi je peux t'y aider. Tu vois, si tu viens me voir, je crois que tu vois, je vais te faire découvrir d'autres choses et tu oublieras vite Rémi, parce qu'en fait Rémi il est pas fait pour toi. Et moi, je suis celui qui peut te donner ce qui te manque aujourd'hui pour être heureuse. J'étais bon là ou pas? Bah en fait, il est pas très parole comme ça, mais ah, c'est... Qu'est-ce qu'il a dit lui? Bah en fait, j'étais chez mon copain et il y était. Et mon copain regardait sa série dans son bureau et puis en fait, il me caressait les pieds, il m'a dit ouais, t'as froid aux pieds, tout. Quoi? Il les a réchauffés. Il regarde une... Qu'est-ce qu'il regardait comme série? Il regardait Buffy contre les vampires. Il regardait Buffy contre les vampires. Ah ouais, mais direct, il faut te séparer de ce mec, c'est pas possible. Ok, pourquoi pas. Mais attendez. Ah non, Nicolas regardait ça. Rémi, je sais pas, c'est un nom en anglais, c'est un truc vraiment nul aussi. D'accord, ok, pourquoi pas. Bon, très bien. Et puis donc, après? Après, bah, il m'a fait les trucs aux pieds, là. Te caresse les pieds, déjà, je déteste les pieds. Bon, enfin, soit on n'est pas là pour parler de moi. Et puis? Et puis après, ben, il m'a envoyé des messages en me disant qu'il a adoré regarder la série avec moi, que la série était bien, mais que c'était encore mieux de le regarder avec moi. Waouh, quel lover, voilà. Tu sais, on regardait une série, c'était trop bien, mais c'était encore mieux de regarder avec toi. Waouh. Et puis après, ah ouais. Je m'invite au McDo. Ah ouais. Ah non, il est bon en termes de drague. Et donc du coup, toi, tu sais plus aujourd'hui, t'hésites quoi? Bah oui, parce qu'en plus de ça, il m'a dit avant... bah en fait, avant, on se mettait toujours des cœurs avant d'aller dormir, et puis... Oh. Et je lui ai dit, oh, il manque un truc, et puis il m'a dit, je t'aime, point d'interrogation. Oh. Bon, Laura, on va parler avec toi dans un instant. Les filles, si vous êtes déjà tombées sur des mecs, sur des connards en règle générale, venez nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Venez nous en parler maintenant. On va en parler avant, juste après le son de Lady Gaga, par exemple. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Tiens, Laura, est-ce que ton mec, il a des grosses ou des petites couilles? Ah, je sais pas, j'ai pas vu ça, moi. Bah, t'as déjà malaxé ou pas? Non. Non? Non, parce qu'en fait, s'il en a des grosses, il risque d'être un mauvais père et d'avoir des problèmes de cœur. C'est une étude anglaise qui vient de montrer ça. Donc, je voulais que tu vérifies quand même pour être sûr que ton mec puisse être éventuellement un bon père, quoi. Oui, oui. Ça peut être bien. Bah, c'est ça, comme ça, tu soupèses pour savoir lequel tu dois garder, quoi. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des numéros à nous envoyer, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Si vous connaissez des gens qui sont encore debout à cette heure-ci, Toff, tu peux les appeler pour leur demander si les mecs ont des grosses ou des petites couilles. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez des grosses couilles? Mais oui, tout à fait, vous-même. Mais écoutez, un peu moins grosse, mais si vous voulez, on peut comparer. Ben oui, écoutez, avec plaisir. Justement, mettez FaceTime. Je vais immédiatement la visio, qu'on regarde, qu'on vérifie. Eh ben, regardez mes bourses. Bon, eh ben, très bien, on fera ça dans un instant. Tu ça te branche, toi, qu'on appelle des gens, Laura, t'en connais debout à cette heure-ci ou pas? Des garçons. Peu importe, hein. Après, on peut demander si, peu importe, garçon ou fille. Écoute, écoute, réfléchis. Nous, on va demander à tout le monde aussi là de nous appeler maintenant là 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. De nous dire, donner vos numéros de téléphone pour qu'on puisse appeler des gens maintenant pour leur demander si oui ou non. Évidemment, c'est une étude médicale comme d'habitude. Si oui ou non, donc votre copain, votre copine ou même vous, est-ce que vous avez des grosses couilles? Puisque apparemment, en ayant des grosses couilles, on peut être un mauvais père et avoir des problèmes de cœur. C'est une étude anglaise qui le dit. Ce n'est pas nous, bien évidemment. On en parle dans un instant sur Fun Radio. Laura, tu restes là. David va revenir dans un instant aussi, puisqu'on va donner la réponse pour gagner l'iPod sur le Facebook de l'émission en tapant Mickaël officiel. Et au cœur de plus de 2 heures sans pub, c'est Lady Gaga qu'on écoute. Et applause. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Vous connaissez le numéro là, il suffit de le composer si vous voulez délirer avec nous. Prenez le contrôle de Fun Radio. On est là jusqu'à 2h du mat en direct avec vos toutes et vos tous. C'est sans pub en plus. Et avec l'iPod Nano qui est à gagner là. Attention David, repose la petite colle là. Attention, tirage au sort dans 5 minutes. La colle c'est: quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Si vous avez la bonne réponse, je peux vous donner un indice. En général, c'est l'excuse des meufs quand elles veulent pas coucher avec vous. Elles prétextent ce problème, voilà, les qui arrive souvent évidemment. Hein. Donc voilà, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez votre réponse dès maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a une photo avec l'iPod Nano. Et ben, il suffit simplement de laisser un commentaire en guise de réponse. Si vous êtes tiré au sort dans 5 minutes, je vous offre votre iPod Nano de dernière génération. David, quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter, c'est ça? Ouais. Allez, c'est un jeu de mots, hein. Voilà, j'en dis pas plus. Bon, David, on tire au sort dans 5 minutes, tu restes avec nous? Pas de problème. Bon, parfait. Il y a Léa et Laura aussi qui sont là, toutes les deux là. Bonsoir toutes les trois, même avec David. Ça va les filles? Oui. Bon, oui, très bien. Bienvenue à vous. Bon, dis-moi, j'ai pas posé la question. Tiens, à toi Léa, forcément tu viens d'arriver. T'appelles d'Aquitaine toi. Et Léa, petite question, tiens, si tu pouvais choisir une option comme ça à l'école, tu choisirais quoi? Une option, tu sais, parce qu'en fait, on en a parlé tout à l'heure, il y a des pays où ils ont des options bizarres, là, tu sais, genre option Simpson. Le truc de Star Wars, là, ça a l'air marrant. Ah, le super... attends, c'était quoi? Jedi, ouais, voilà, exactement, ouais. Bon, eh bien, reprenons. On a le droit de taper la tête au prof ou pas? On n'a pas le droit de taper la tête au prof parce que c'est la mienne. Bon, alors, attention, on va commencer, soyez bons et bonnes, hein. Laura, Léa, David? Oui. Ouais. Allez, on va faire cours de super-héros maintenant pour voir si vous êtes doués, tiens. Allez, comment Iron Man fait pour actionner son armure? Il appuie sur le machin qu'il a au bout, sur le torse, là, ou je sais pas. Ne jamais terminer par je ne sais pas. C'est pas grâce au générateur arc qu'il a au milieu de la poitrine. C'était une... Mais voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est la moitié de la bonne réponse, donc tu auras la moitié du point, 0,5. À cause de quoi le docteur Banner s'est-il transformé en Hulk? Je sais pas. Mais tu ne sais pas, mais ça valait bien pas de répondre. Tiens, irradié par des rayons gamma. Et enfin, comment faire pour enlever les pouvoirs de Superman? Non, c'est grâce à la kryptonite. Lui enlever sa cape. Bon, bah, vu les résultats, vous n'aurez pas votre diplôme, hein, ça c'est sûr. Hein. Il va falloir réviser un petit peu plus. Hein, semaine prochaine, contrôle sur Batman et sur X-Men. Non mais t'imagines un peu le truc. Mais quand même, t'es là, t'es en cours, tu poses ces questions improbables, et puis après, c'est à la fin, tu dis, bon, bah écoute, alors révisez, là, vous me lirez le chapitre 17, et puis interrogation sur Batman. C'est pas, j'adorerais. Quel est l'intérêt? C'est un truc de fou. Je retourne à l'école demain. Voilà, c'est ça. C'est terminé, les cours sont suspendus. Jusqu'à nouvel ordre, on fait grève. On va se mettre en mode prof là maintenant. Bon, du coup, Léa, toi, tu nous appelais pour réagir par rapport à Laura. C'est ça. Alors, parce que je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, donc Laura est en couple et le meilleur ami de son copain qui lui avait dit non, je ne veux pas de toi au début. Finalement, bah, il s'est rendu compte qu'il a peut-être fait une connerie. Alors Léa, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça là? Bah, je vais te le dire, bah, bienvenue au club des connards. Ah, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, un connard. Ah, et tu peux foutre un point à Toff? Ouais, c'est ça. Avec plaisir. Voilà. Attends, j'en remets un. Encore une. C'est pour moi. Encore une. Avec plaisir. Ah, c'est pour Polo. C'est pour Lilo. C'est pour Kelly. C'est pour le boss. C'est pour les auditeurs. C'est pour sa mère. Bon, voilà. C'est pour son père. C'est ça. C'est le bonheur. Tu penses qu'il a eu assez pour la soirée là, non? Oui, enfin c'est. Voilà. Voilà. Mais ça te remet les idées en place, comme ça, c'est mieux. Oui. Voilà. Bon, du coup, Léa, bienvenue au club des connards, c'est vrai, certes, mais en détail, ça veut dire quoi? En fait, c'est. Bah, je sortais avec un type. Ah, d'accord, donc c'est arrivé pareil chez toi, dis-nous tout. C'est ça. Et en fait, j'ai découvert qu'il me trompait. D'accord. Donc, bah, moi, au début, j'y croyais pas trop, parce que c'est quelqu'un d'autre qui me l'avait dit, du coup, j'y croyais pas trop. Et du coup, je lui avais demandé, ok, mais tu sais où il va cet après-midi, ou je sais pas trop quoi, là. Du coup, il m'a dit, non, je sais pas. Du coup, bah, je suis sortie et tout ça. Mais, en fait, je descends, je me baladais, et en fait, dans les bois, je le vois sur un banc en train d'embrasser ma meilleure amie. Oh, quel enculé! Dans un bois. Dans un bois en plus, le bâtard. Il aurait pu faire ça ailleurs. Non. Bah oui. Attends, oui. Non. Mais il faut profiter de la nature, c'est pas mal. Il faut se mettre en communion. Oui, c'est vrai. Il faut communier. Comme dirait Francis Lalanne. Tout à fait. Bon, enfin bon, pas trop en parler non plus. Hein. Bon, et donc du coup, t'as fait quoi après? Je débarque comme ça en fait, parce que je suis sort de chercher. Ouais. Je le prends, en fait, je tire les oreilles parce que j'aime bien tirer les oreilles. Je lui tire les oreilles. Dis donc, espèce de garnement, hein. Parce qu'elle aime bien tirer les oreilles des gens. Ah ouais. C'est quoi ton problème, Léa, dans ta tête, hein? Comment ça se passe dans ta tête? Tout va bien? Non, en fait, là, ça allait pas du tout. Ah oui, mais ça, c'est sûr, mais. Soit je tire les oreilles des gens, soit je fais de gros coups de pied, ça fait mal en général, soit je gifle aussi, c'est pas mal. Ah ouais, t'es ah ouais. Violente quoi. Tu nous rappelleras de ne jamais t'inviter dans le studio, Léa, hein. Des fois que tu non, passes un jour. Pas. Non, t'inquiète. Voilà, bon, heureusement on est protégé, on a des casques, donc déjà les oreilles tu peux pas y toucher, mais bon. Faut être méchant. Ouais, mais enfin t'inquiète pas, c'est t'as pas encore rencontré Toff, hein. Ouais, non mais je... C'est vrai pas. D'ailleurs, Léa, combien mesures-tu? Oui, c'est vrai, ça faisait longtemps, tiens, effectivement, je m'inquiétais là. Non mais t'inquiète, je vais bien. Léa, combien mesures-tu? Moi? Oui. Là, je suis petite, moi, je suis 1m68. Combien pèses-tu? Combien? Tu pèses. Comment? Quel est ton poids? 45. Ah oui. Quelle est la taille de ton tour de poitrine? Il est perturbé là. Ouais, ouais. Oui, ok, c'est bien. 85 B. B, oui, et je démarre déjà la moto, hein. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Je sais pas. Ah, un tour de taille, par contre, c'est fin, c'est... 38. 38. Mais... Bah, il a pris sa moto là, il arrive. C'est parfait, Léa, je suis déjà en route. Voilà, c'est ça, il va débarquer dans pas longtemps là, il va arriver. Bon, du coup, Léa. Oui. Donc tu l'as tiré les oreilles et puis? Donc il se prend une baffe dans la gueule et ma meilleure amie aussi par la même occasion. D'accord. Du coup après je me casse et tout ça, bon, on a rompu tout ça. Ouais. Voilà, pas longtemps après en fait je sors avec un autre mec. D'accord. Parce que là je l'aimais tout ça, mais lui ça va, il est comme ça. Et en fait il arrête pas de me tourner autour. Ouais, je suis désolée pour ce que j'ai fait, j'ai fait une erreur et blablabla. Du coup à tous les coups je l'envoie chier. Ouais. Et à un moment, je lui ai dit, putain, j'en ai marre, fous-moi la paix, et va te faire foutre. D'accord. Et bon, je me casse encore une fois. Mm-hmm. Du coup, il revient encore. Et encore, il veut toujours pas arrêter. Ouais. Du coup, j'appelle mon ex-meilleur ami. D'accord. Et je lui dis, bon, maintenant tu lui dis d'arrêter, sinon je te casse la gueule à toi aussi. Parce que j'en ai marre. Ouais. Et à quel moment arrive la fin de l'histoire? Et à quel moment? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ouais. À la fin, bah, il se prend mon pied dans la figure, enfin mon pied dans la gueule. Oui, ah oui, c'est vrai, parce que j'ai oublié que t'étais un peu violente. Ouais, mais non, elle est souple surtout, hein, parce que vu sa taille, il arrive à mettre le pied dans la gueule. C'est pas faux, c'est pas ça. Faux. Je suis souple. Ouais. Alors ça va. Cool, ça m'excite. Ça me donne des idées. Je peux viser la tête, alors ça va. D'accord. Donc je vise la tête. Il a terminé avec 3 points de suture à l'hôpital. Il m'a foutu à pied. Il t'a quoi? Il m'a foutu la paix. Ah, il t'a foutu la paix, je crois qu'il m'avait foutu à pied. Mais Toff, qu'est-ce que tu racontes? Toff, il s'est bien foutre la paix. Ah oui. Oui, c'est... Il sait bien faire des paix, surtout, hein. C'est surtout ça le truc. Ah bah ouais, non mais ça c'est Toff. Tout de suite. Le problème c'est qu'il a quelques flatulences qui arrivent de temps en temps. J'ai quelques légers problèmes avec ça. Voilà, ils ne peuvent pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui, c'est un truc de dingue. Bon, dites-nous les autres filles aussi, est-ce que vous êtes déjà tombés sur des gros connards là? 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Lilo et Kelly, vous êtes déjà tombés sur des gros connards? Ah oui. Ah oui, une fois. Dans mais Toff, ça tombe pas. Non, ça non, compte non, pas. Un autre aussi. Ah, qui s'il a fait? Bah, il m'a juste trompé. Donc. On rien grave. Mais non, c'est rien. Je suppose pour des détails. Est-ce que vous emmerdez pour des conneries comme ça là? Non, c'est rien. Bon. Et Lilou? Moi, je les collectionne. Ah oui, ça m'étonne pas, tiens. J'ai un palmarès du connard dans ma chambre. Et voilà. Je suis devenue une grosse connasse. Voilà. Voilà, et donc, vas-y, explique. Bah non, mais mais je suis tombée sur des psychopathes, mais vraiment, enfin, j'ai aussi. Tu sais, tu les attires, en fait, tu peux rien. Qui se ressemble, ça semble. T'es l'anément. Non, mais je suis pas psychopathe, moi. Ah bon? Non, je suis cool comme meuf, vraiment. Il y a des types bourrés aussi. Ah non, mais ça, par contre, t'inquiète pas qu'elle est tout le temps aussi, Lilou. Ouais, en termes de. Souvent bourré, par contre. Ouais. En termes de bourrasse, je peux te dire que ça se passe plutôt pas mal. Et c'est quoi le pire coup qu'un mec t'ait fait? C'est très glauque. C'est vraiment. Bah vas-y, très glauque. En gros, c'est je suis bon, avec un mec, genre, je devais avoir 17-18 ans, il devait avoir 30 ans. Et en mais qu'est-ce que tu faisais avec un mec qui avait l'âge de ton père? Mais j'ai toujours tapé dans le vieux et en fait le mec draguait des nanas genre de mon âge et tout sur Facebook et en fait le mec c'est, il avait limite un réseau quoi de minettes. Waouh. J'en parle mais je suis hyper émue quoi. C'est quoi le... Non c'est horrible, en gros j'étais avec un ouf quoi. Il est pas l'heure de rentrer de coucher toi en fait? Merde, c'est pas Lilou, c'est Alice, la sœur de Lilou. Ah voilà, d'accord, salut Alice. Toi aussi voilà. T'es barré comme ta sœur alors, hein, c'est la même. Tu voulais dire Léa? Non mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire toucher par un mec dans la rue comme ça tout d'un coup? Non, parce que je pense que je lui aurais pété sa tête. Mais non, je parle aussi pas à vous. Hein, moi je lui aurais mis... Voilà. Pourquoi c'est arrivé toi? Ouais, une fois. En genre fait, un mec il arrive, il passe et il te met la main en fesse. Non mais en fait j'étais en train de marcher dans la rue pour aller, bon, bref, pour aller au bahut et après il y a un mec qui passe juste derrière moi, il me touche les nichons en fait. Quoi? Il me croise derrière, il me touche les nichons, il est tripote. C'est en bon fait. Ça. Mais il faut prendre son ticket ou comment ça marche? Mais non mais en fait je suis en train de marcher, mais il s'approche juste derrière moi, je fais pas attention, je suis pas gaffe ni quoi que ce soit. Et en fait il met ses mains en avant, il me tripote la poitrine. Ah sympathique. C'est moi ou ça fait 4 fois que tu racontes la même histoire? Oui, ça fait la même, mais c'est parce qu'elle est très perturbée, c'est pour ça Léa. Bon, reste avec nous, Léa, Laura, vous bougez pas de là, d'accord? On va faire les appels aussi dans un instant pour voir. Léa, dis-moi ton mec, si t'en as un actuellement ou si t'en as eu un, il avait des grosses couilles ou des petites couilles? Ça, je suis inquiété. Dans la normale. Dans la normale. Donc ni grosse. Ni grosse ni petite quoi. 16,5. Combien? Non, je parle pas de la taille du sexe, je parle de la taille des couilles. 16 cm de couilles là. Ah, parce que comment t'expliquer? C'est un canon à neige. Je crois que ça faisait 5 cm, je sais plus. Putain, il peut aller bosser à Tignes. Quand il y a plus de neige, c'est pas grave, j'ai des couilles de 16 cm de diamètre. Ouais, c'est ça, ouais. En mode lance-flamme, mais en mode canon à neige. Putain, tu disais Léa donc? Les couilles, je mesure pas. Non, mais grosso modo, tu vois, si ça ressemblait plus à des petites billes ou à des balles de tennis. Ou à des Kinder. Bah quoi, 7-5 cm. Mais attends, tu te rends pas compte de ce que c'est 5 cm de couilles. ça ressemble à un œuf. Une grosse couille. Léa, s'il te plaît. Ça ressemble à un œuf, à un Kinder, à des noisettes ou à une olive. Voilà les petits Kinder qu'on a, les Kinder Bueno. Ouais. Un œuf, on va dire. Mais non, c'est pas possible. Il avait un problème, il avait un cancer des couilles alors. Une poche. Non mais une pomme. Mais non, une pastèque. Oui, moi j'ai deux pastèques. Une poche, ouais. C'est ça, moi j'ai deux pastèques sous la bite. Tu sais, un sac d'aspirateur. C'est ça. Bon, les filles, restez avec nous. On va faire les appels dans un instant là pour vérifier eh bien, si les gens ont des petites ou des grandes couilles. C'est une étude anglaise. Et on s'intéresse pas mes couilles. Après. Ah d'accord. Bon, on attend un peu là. On attend que le temps passe. Vous mesurez les couilles aussi? Ouais, mais c'est pour l'étude anglaise là qui dit qu'apparemment quand on a des grosses couilles, on est un mauvais père et en plus de ça, on peut avoir des problèmes de cœur. Donc on va appeler dans un instant pour se rendre compte ou pour vérifier quoi en fait tout simplement. Bah il paraît ouais. Et si Paulo veut, moi je peux aller lui soupeser les couilles. Bah avec plaisir. Bon, les filles, Backer Matt avec Vanda, la musique avec le saxo là, ça vous intéresse? Ouais. Ouais, bon, ça va le faire maintenant. Ouais. Bougez pas, mesdemoiselles. Laura, Léa, bougez pas. Les filles, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 si vous êtes déjà tombé sur des connards qui sont bien foutus de votre gueule pour qu'on puisse en parler. Pareil, les mecs, hein, si vous êtes des connards, n'hésitez pas, vous pouvez évidemment nous appeler. Alors, rassurez-vous, si jamais vous préférez, eh bien, qu'on ne reconnaisse pas votre voix, ça peut s'arranger. On peut éventuellement s'arranger pour qu'on ne reconnaisse pas votre voix. Voilà, donc comme ça, on peut parler comme ça, il n'y a pas de problème. Ah ouais? Vous demandez. Ah, c'est génial. Voilà, vous demandez et puis on s'arrange. Tu veux aussi, Paulo? Bah ouais, je veux bien trafiquer ma voix, mais... Ah! C'est génial, là. Attendez. T'entends? Ouais. Hein? Ouais. Bah c'est bizarre. Ah bah je t'ai gardé. Ouais. Bon bah tant pis. Bon, donc voilà, tout ça pour dire que si vous voulez passer incognito, c'est possible, il n'y a pas de problème. Vous vous appelez donc le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. C'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. On est là tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, de 23h à 2h du mat. Et tous les dimanches également, de 20h à minuit. Faites passer le message autour de vous, dans votre bahut, au travail. Qu'il se passe quelque chose sur Fun Radio de 23h à 2h dorénavant. C'est ici que ça se passe. On écoute Backer en maths maintenant avec Van Dyke sur Fun Radio. I have a dream. Et encore un son que vous avez découvert sur Fun Radio, là, il y a deux semaines, la Backer Mat avec Van Dax sur Fun Radio. Il y a des messages qui sont arrivés d'Alexis qui dit salut, trop cool votre émission, une ouais. dédicace à vous tous, trop cool. Merci Alexis, sois le bienvenu. Il y a un message aussi qui est arrivé, il y a Guillaume qui dit j'ai mon meilleur ami qui est une légende à la fac de sport à cause de ses couilles immenses. Il est encore levé là, bah, parfait, on va peut-être essayer de l'appeler. Julien qui dit merci de penser aux routiers car il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à nous. Oh si, si, si, si, si. Mais si, on vous aime les routiers. Eh, j'ai failli en. Bon, je peux pas parce que techniquement j'étais de l'autre côté. Donc je peux pas le rattraper, et quand bien même je l'aurais rattrapé, je pense que j'aurais rien fait parce que je suis petit par rapport au routier. Mais tu sais, j'étais là, j'étais concentré, j'étais en train d'enrouler, et puis tu sais, j'avais la fenêtre ouverte et il y a un connard qui passe. Mais bon, évidemment, il avait certainement une bonne excuse, mais moi ça m'a saisi. Il était de l'autre côté, donc dans le sens opposé sur l'autoroute, ouais. Et il klaxonne comme un porc avec son camion, mais ça fait un vacarme de ouf, tu sais. Alors du coup, comme je le vois, comme tu sais, quand toi tu vas dans un autre sens, du coup t'entends le klaxon qui va super fort, et puis tu sais qui ralentit, enfin tu sais qui diminue. Ça m'a super saisi et il a klaxonné pour rien, quoi. Ah bah oui. Ça m'a rendu ouf. Je vais faire demi-tour. C'est bon qu'on m'a retenu parce que sinon je lui pétais la gueule. Bah oui, oui. Voilà, ouais, on me retenait. Enfin, c'est la barrière qui t'a retenu, quoi. Voilà. On me retenait. Bon voilà. En tout cas, bon courage aux routiers qui sont sur la route. Et en gros, tous ceux qui sont sur la route maintenant, qui bossent là, les livreurs, tout ça, la boulangerie là qui va démarrer, là, pensez à nous, hein, si jamais. Hein. Des fois que vous commencez vraiment tôt, c'est vrai que minuit c'est peut-être un petit peu tôt quand même. Hein. Plutôt 2-3 heures, quoi. Ah, je sais pas, hein, je sais pas quelle heure. Ah, je sais pas, ça dépend de la boulangerie, tu me diras. Il y a Jonathan qui dit des grands poneys là, je meurs par rapport aux ch'tis. Ah oui, c'était fort hein, tout à l'heure avec le grand poney là. Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'était ça, on avait passé les teubés de la télé et puis, en gros, il y a Dixia qui avait dit ça. Pour le lavage de cheval. Le lavage de cheval, et puis après, il y a l'autre mongol qui a dit ça aussi. Écoutez bien, hein, c'est une expression à base de chevaux, mais il n'avait pas compris. En gros, j'ai pas voulu leur faire de mal ou leur dire mal, et là, je vois Vincent qui montait encore sur ses grands poneys là. Voilà, et oui, Vincent qui montait sur ses grands poneys, évidemment, ça a pas le même, n'a pas la même finalité, quoi. Hein. Ça fait un peu bizarre de monter sur ses grands poneys. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Mathias qui dit énorme les cours, comme ça pourrait être très fort. Ah oui, les cours dont on a parlé tout à l'heure. Un autre de message de Mathias qui dit encore un cours sur Mickaël No Limit, ça aurait été très bueno, ça comme option. Et Once Upon a Time qui dit quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter? Et ben, Tof. Ah oui, effectivement, tiens, c'est une bonne idée, tiens. C'est une bonne idée. C'est faux, je suis quelqu'un de très sociable. Oui, c'est ça, ouais. Bon, avant de faire les appels, on termine le jeu de la colle maintenant avec David. T'es là, David ? Ouais, je suis là. Bon, allez, on appelle maintenant le gagnant, la gagnante, celui qui s'est inscrit ou inscrite sur le Facebook de l'émission avec la bonne réponse, facebook.com/Mickaël officiel. On y va, on appelle. Si la personne qu'on appelle maintenant a la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si elle décroche pas, elle perd, tu gagnes. D'accord ? D'accord. Allez, attention, c'est parti, on y va. Tous les soirs, on fait le même jeu. Hein. Vous connaissez le principe maintenant, les réponses à donner sur le Facebook de l'émission. Et tout à l'heure, on y lira également le top tweetos, c'est-à-dire le meilleur auditeur de la soirée, celui qui aura balancé le plus de messages avec le hashtag et Mickaël. Ça s'annonce bon pour toi, David, là. Allô ? Ah, allô ? Allô ? Ah, vous avez répondu à ça. Non, tu t'es fait avoir, je suis alors, pas là. Je me suis fait avoir. Allez, ciao. Une fois votre message enregistré, t'inquiète pas, on va te laisser un message. Ou tapez dièse pour le modifier. Allô ? Allô ? Eh non, malheureusement, c'est toi qui t'es fait avoir, ma chérie. C'est Mickaël, t'étais sur Fun Radio. Pour ton info, je me suis pas fait baiser par ton répondeur. Je l'ai grillé directement. Et puis, deuxième chose, bah, je t'appelais pour te filer ton iPod Nano. Alors, on va quand même poser la question. Vas-y, David. De quoi ? Quelle question tu poses depuis 23h, là ? Ah, quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter ? Quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter ? Est-ce que le répondeur a la bonne réponse ? Non. Visiblement pas. Bon, eh ben, le répondeur a perdu et la fille qui est propriétaire du répondeur également. David, salut, bravo à toi, tu repars avec l'iPod Nano. Ouais, eh ben voilà, bravo David. Comme quoi, hein, ceux qui posent la question. Et en même temps, elle était plus compliquée ce soir, hein, parce que c'était quoi la réponse, David ? C'était la migraine. Eh, je vous avais donné des indices en plus. Je vous ai dit, les meufs en général, quand elles couchent pas avec vous, elles prétextent ça assez régulièrement. Voilà. Bon, quel est l'ami qu'on ne peut pas supporter ? Donc, c'est la migraine, effectivement. Bon, eh ben c'est fait comme ça, David. Hein, bravo à toi. Hein. Merci Fun Radio, merci toute l'équipe. Avec grand plaisir. C'est ce que, c'est quoi l'excuse que tu donnes toi, Lilou, là, quand tu veux pas coucher avec ton mec? On t'entend mal. J'ai mes règles à peu près règles. Tous les jours. Bah ouais, c'est ça, ouais. Il s'est mis un peu con, il comprend pas. Il est persuadé qu'on a nos règles tous les jours. C'est parfait. Ah, là, tu dis, c'est... Et j'ai mes règles tous les jours. Oh, le pauvre. Elle était une bonne vanne. Voilà. Allez, tu peux aller prendre ton taxi. Ouais, ok, salut. C'est pour ça que je l'aime mal, Lilou. Mais oui, évidemment. Il y a un message de 15 ans Today qui dit « Salut Mickaël, je peux avoir la musique d'anniversaire ?» Ah bah oui, pour les 15 ans, mec, tu m'étonnes, évidemment. La musique d'anniversaire, c'est parti, rien que pour toi, écoute bien. 3, 2, 1, allez. Bah alors, voilà. Et bon anniversaire. Allez, jusqu'à la finale. Voilà, jusqu'à la finale. Et ça, c'est bon. Bah, bon anniversaire à toi, Théo, là. Il y a Rybik aussi. J'aimerais savoir comment s'appelle le nouveau tube de Bakermat avec le saxo. Bah, c'est pas compliqué. Ça s'appelle Vandag. Ça veut dire aujourd'hui, en irlandais. Donc, V-A-N-D-A-A-G, tout simplement. Mika, tu déchires. Un petit pause caca pour la route? Bien sûr. Voilà. Et Cookie qui dit, j'ai 50 lignes à écrire pour une rédac en français, mais j'écoute Fun. J'ai toujours pas commencé. Eh, écoute, Cookie, tu sais quoi? Donne-nous le thème et puis Polo va te la faire. 50 lignes, ça va? Ah bah oui, ça va. Oui. 50 en plus, lignes pour Polo dans 10 minutes, c'est fini. Mais oui, en plus pour sa cookie préférée. C'est, mais c'est pas ma cookie, c'est là. C'est quelqu'un d'autre, ça. Ah, c'est l'autre? Ah ouais, on va se faire foutre. Ouais, non, je plaisante. Pas... non, mais vas-y, hein. Donne-nous le thème, donne-nous le thème, on va bosser là. Once Upon a Time qui dit moi je kiffe pause caca. Bah écoute, hein, t'aimes bien ce que t'aimes. Moi aussi. Et alors, le prout, s'il te plaît, Mika, mets-moi un prout, je trouve ça très drôle. Bah si tu veux, Miss Carter, vas-y. En même temps, c'est tough, hein, ça se fait pas non plus que sur demande, bien entendu. Hein. Et Colin ouais, aussi. J'ai toujours un petit qui est prêt. Toujours. Colin qui dit que fait le renard. Eh ben, on va en parler dans un instant, justement, de que fait le renard. Ce sera dans quelques instants. C'est un son que je vous avais fait découvrir dimanche sur Fun Radio. Voilà, dimanche dans l'émission entre 20h et minuit. Car oui, le dimanche, on est là de 20h à minuit. Bon, Laura et Léa, vous êtes toujours là? Oui. Bon, on va faire un petit appel pour les couilles, là, d'accord? Oui. Bon, attention, ce n'est pas pour emmerder le monde, c'est médical. Évidemment. Voilà. Donc, on appelle puisque c'est une étude anglaise qui dit que quand on a des grosses couilles, donc pour les mecs évidemment, on est un mauvais père et on peut avoir des problèmes de cœur. Donc nous, on se renseigne. Bien sûr. Voilà. Bon, on va appeler Charleroi. Ah, chouette. Allez, c'est parti. C'est de là que vient Adixia des Ch'tis d'ailleurs. Ah bah voilà, bah c'est, on appelle chez elle. Alors. Enfin, à côté quoi. C'est... Bon, on y va. Allez, c'est parti. Léa, comment ça se passe? Ça va bien? Allez, Charleroi. Décroche pas, Charleroi. Bah oui, ça rompe un peu, il est tard. 1h-10 du mat. Bon, bah, je pense qu'on va appeler ailleurs. Attends, encore une petite. Non mais là, je pense qu'il y a un moment, faut arrêter de se battre. Hein. Mais non, ça va décrocher. Non mais, il y a un moment, faut arrêter de se battre. Hein. Fais 30 secondes, Toff. On sait jamais. Je vais pas laisser sonner comme ça à l'éternel. Allô? Oui, bonsoir madame. Oh, oui. Oui, je vous appelais pour savoir si votre mari avait plutôt des grosses ou des petites couilles. Qu'est-ce que c'est ça pour une histoire? Bah, c'est pas une histoire en fait. C'est-à-dire que je me demandais si votre mari avait plutôt les bourses, vous voyez, bien remplies ou pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous prend? Bah rien, c'est pour... parce qu'en fait il paraît que les hommes qui ont des plus petites bourses, enfin des plus petites couilles, sont plus gentils avec les enfants et a priori ils ont moins de risques d'avoir des maladies du cœur. Qu'est-ce que c'est ça encore pour une affaire, pour un... Des jeunes gens qui disent des conneries pareilles. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à une heure pareille? Qu'est-ce que vous n'avez rien d'autre à foutre que d'emmerder les gens, vous? Mais pas du tout, madame, c'est très sérieux, c'est une étude anglaise. Oui, oui, d'où sortez-vous encore? Bah, moi, je sors de chez moi, mais... Oui, mais où habitez-vous, vous? Moi, à Paris. Oh, oui, ça m'étonne. Que j'habite Paris? Oui. Ah bon, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de Paris, vous êtes déçu. Ah bon? Vous habitez là en face. Et vous racontez toujours toutes des conneries comme ça. Vous n'avez rien d'autre à foutre. Non, effectivement, je n'ai rien d'autre à foutre. Mais ça répond pas à ma question au sujet des couilles de votre mari. Oui, mais c'est le mari qui va te répondre. Ah, très bien. J'ai noté l'heure. Oui. Demain, je dépose plainte auprès du bureau de police pour qu'on fasse les recherches nécessaires pour retrouver votre numéro de téléphone. Et croyez-moi, ce sera fait. D'accord, mais d'ici là, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez des grosses ou des petites couilles? Elles sont sûrement plus mieux que les tiennes. Oui, mais ça, après, ça n'a rien à voir. Enfin, et moi... toi, petit couillon que tu es, viens te présenter. Viens te présenter devant ma barrière, je t'attends. Oui, mais je vois pas le rapport, monsieur. Allô? Ah, il a mis du temps à répondre, mais il faut aller devant sa barrière. Et apparemment, t'es le connard d'en face de la rue. Ouais, je suis le connard d'en face, je ne suis pas de Paris. Oui, c'est ça, tu es le connard d'en face de la rue, effectivement. Ouais. Oui, peut-être, effectivement. Bon, on en appelle encore un autre ou pas, les filles? Ouais, vas-y. Ouais, comment? Quoi? Mais Léa, c'est quoi ton problème avec... pourquoi tu fais... On comprend rien, t'es un poisson? Non, rien, laisse tomber. Ah d'accord, je préfère effectivement. J'ai un numéro s'il faut. Eh ben très bien, attends, j'en ai un là, j'en ai un numéro en fait. Non bah attends, attends une seconde, on va appeler, on en a d'autres là, des numéros, il y en a plein qui allons envoyer des numéros là, on appelle, c'est parti. Allez. Ouais, bougez pas. Il y a le divin aussi qui va arriver dans un instant de Melun là. Allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, j'appelais pour savoir si vous aviez des petites couilles. Des quoi? Des petites couilles. Des petits, pourquoi? Des petits testicules. Bah en fait c'est parce que selon une étude en fait il paraît que les gens qui ont des petites couilles sont des parents beaucoup plus adorables. Et du coup je me demandais comment étaient les vôtres. Ah bah il est parti. Bah voilà, il est parti. Attends, on va le rappeler, hein, il avait l'air tellement gentil. Mais oui. Bon, on le rappelle encore les filles? Ouais. Ouais, pourquoi ouais. Pas. Allez hop, c'est reparti. Bah oui, là, surtout qu'il a pas répondu, c'est dommage. Je on rappelle. Ouais. Dans sa voix. Mais exactement, oui. C'est parti. Oula, sa gueule. On rappelle chez ce charmant monsieur. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Non, je peux être coupé, je vous écoute pas. Hein. Bah pourquoi vous m'écoutez pas? Je vous pose une question, c'est pas très gentil ça. Bah merde, il raccroche encore. Bon, on le rappelle. Bah dis donc, allez hop, c'est reparti. Vous arrêtez de m'appeler? Bah vous pourriez répondre aux questions qu'on vous pose. Mais j'ai pas envie de répondre à vos questions. Bah pourquoi? Mais il est sérieux là? Bon, on le rappelle. Non mais alors, il est pas sérieux. Bon, on le rappelle encore, hein, Laura, t'es d'accord hein? Ouais. Bon, allez hop. Il est con lui. Vous m'appelez encore, je porte plainte. Ah oui, mais ça sert à rien, je vous demande juste de répondre à ma question. Quelle vieille aigrée. Bon, ok, c'est vrai, il est 1h05 du mat. Peut-être que le mec, il a autre chose à foutre. Je veux bien l'admettre, pourquoi pas. Bon, si vous avez des numéros, allez-y, on les appelle là. Vous balancez vos numéros maintenant, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On accueille également Ludivine avec nous, 23 ans de Melun. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, merci, vous? Bon, ben on va très bien, Ludivine. T'appelles de Melun, toi, en Ile-de-France, 23 ans. Et Ludivine, j'en déduis que tu es célibataire? Pas du tout. Ah, c'est comme tu nous appelais pour parler de connard, je pensais que... Alors bon, alors vas-y, explique. De mes 23 ans, j'en ai connu quand même, allez, deux. Ah, deux. Est-ce connards. Que là, il s'appelle Toff? Non, ah. Pas. Bah, je sais pas, on sait jamais, hein, t'sais, parce que comme lui, quand même, il a eu pas mal des meufs où il s'est foutu de sa gueule, de leur gueule. Bah, moi, parce que ça va faire 3 ans que je suis en métropole, donc voilà. Ah, oui, d'accord. Ah d'accord, ok. D'accord, et combien mesures-tu, Ludivine? Bah, elle est prise, Toff. Alors, c'est pas grave. Oui, quelle est ta taille? Ton poids, pardon. Mon poids, 69 kilos, un peu ronde. Non, ça va, moi je trouve que c'est pas mal. Quel est ton tour de poitrine? 90 B. Ah oui. Et la taille de les pantalons que tu as acheté? 38. Oui, oui, c'est pas mal. Mais je peux venir ce soir, non. Mais je vais dire, je sais pas. Non, 38 de taille, mais ça passe pas par les fesses et les cuisses, donc voilà. Oui, mais je prends mon scooter immédiatement. Oui, j'arrive. Eh bien voilà, je suis arrivé. Et on peut baiser ou pas? Non, je suis pas disposée, on va dire. Ah, elle est pas disposée. Ah, tu as le même problème que les filles au standard, apparemment. Bah, c'est le jour c'est la mauvaise. Non, c'est l'excuse que je donne, en fait. Ah, ouais. D'accord, ok. Ouais, il y a cette excuse-là qui se tient pas mal, c'est vrai. Bon, alors, Ludivine, donc, tu voulais réagir, toi, par rapport à Laura, là, qui est en couple, et le meilleur ami de son copain, là, lui tourne autour. Et donc, du coup, Léa, qu'on a eu également, qui nous disait qu'elle était tombée aussi sur des connards. Et toi, Ludivine, quelle est l'histoire de connard? Pareil. Alors, moi, j'en ai deux. Alors, premier, c'est vite faire un récap. Hein. Alors, il m'a trompé, alors, soi-disant qu'il était fidèle et tout. Alors, moi, j'étais en métropole pour faire ma vie professionnelle, entre guillemets, pour avoir un peu d'expérience et pour rentrer au pays, parce que je viens de La Réunion. Ouais. C'est comme un chéo. Non, c'est pas ça qu'a mâché, c'est nous, chez nous. Ah, pas de problème, hein. Ah oui, pas de problème. Bon, non. Et après? Du coup, eh ben, vu que moi je suis dans l'informatique, bon, pirater un compte, c'est ballot pour moi. Oh, regarde comment elle se la ramène. Bah non, mais... moi je suis une pirate, moi, qu'est-ce qu'il y a ici? Moi je pirate, non, moi je suis une hackeuse. Non, je vais vous dire que c'est vraiment difficile. J'ai dû appeler mon technicien pour que lui, il le fait avec son programme. Et du coup, bah, au bout de 6 mois, bah, j'ai vu les messages avec sa pseudo-copine. Donc du coup, c'est ma mère qui a réglé les problèmes. Donc, ta mère voilà, ouais. Bah oui, parce que moi, j'étais en métropole, donc impossible. Et comment elle a fait pour régler le problème? Elle a été tapée? En fait, non, bah ouais, bon, ma mère, c'est pas une sauvage non plus. On va Je sais pas, je sais pas. Dans les chiottes brûlées avec des clopes. Non, mais c'est. Non, c'est pas ça, c'est que moi je demandais. Elle lui agrafe la tête. Non, mais oui, c'est ça, t'imagines un peu là. T'as tué ma tête, t'as pris la tête de ma vie, Clark. C'est clair, non, l'horreur, il faut savoir l'horreur. Que j'ai fait 9 ans quand même avec ce garçon-là. Merde, pardon, c'était la chasse d'eau que je voulais. Donc j'ai fait 9 ans quand même avec ce garçon, donc c'est pour ça. Donc de mes 14 ans à mes 20 ans à peu près, on va dire. Ah ouais, mais 9 ans, 14 et 20, toi, y a un problème, hein. Okay. Parce que moi, chez 14 plus 9, ça fait pas 20. Mais non. Peut-être qu'à la Réunion, oui. Non, 14 ans, mais justement, je sais plus, mais j'avais 15 ans quand j'étais avec lui. Ah, encore moins, donc ça lui a plus que 5. Le temps passe plus vite à la Réunion, c'est pour ça. Non, mais je sais plus, 8 ans et demi, je sais plus du tout. Non, mais toujours pas, hein, ça rentre pas. C'est quoi, pour choisir, mais prends pas maths, hein. Prends plutôt Star Wars. Mais je sais plus, ça doit faire 7 ans, je sais plus moi. Ouais, bon bah voilà. Avec 6, ça suffira. Ça m'a pas marqué en fait. Non, donc, bah bref. C'est sûr, ouais. Donc bon, bref, j'ai demandé la vérité, il n'a pas dit. Après, bon, je l'ai appris, bon, en parlant à la fille, en Facebook, parce que tout le monde est Facebook. Ouais, donc, tout le monde est Facebook. Tout le monde est Facebook. Donc du coup, commence à m'insulter et tout, alors que je suis quelqu'un de très calme et je sais parler. Enfin, voilà quoi. Donc du coup, elle m'insulte de tous les noms. J'écoute, ça confirme ce que je pense et puis voilà. Et puis voilà, j'ai appris et quand j'étais en vacances justement à la Réunion, je lui ai demandé, m'a rien dit. Et en fait, il a eu une panne pendant. Enfin, on allait avoir une relation, mais il était en panne en fait, on va dire. Il était en panne, c'est-à-dire qu'il n'avait pas monté. C'est une panne sexuelle, quoi. Il était pas en panne de voiture. Non mais précise, parce que t'as l'impression que le mec il devait venir te rejoindre, il tombe en panne de. Non, mais il est tombé en panne sexuelle. Oui, mais c'est-à-dire que moi j'ai les japonais, il est tombé, alors j'ai pas pu continuer. Hein, le moteur il a serré, là ça a pas fonctionné, j'ai pas pu. Bref, moi je sais pas, donc du coup on a rien fait pendant mes un mois de vacances, donc voilà, il voulait pas me dire. Et c'est après, c'est deux mois je suis revenue, j'ai appris, j'ai appelé ma mère, j'ai mis le haut-parleur parce qu'il a déjà tout le monde. Je l'ai trompé, j'ai fait ma vie ici, bon bref, une vie quoi. Ouais. Et du coup j'ai mis sur ma liste avec mes soeurs, ma mère, bon pas mon père parce que mon père c'est très, t'as un garçon, faut rester avec le même garçon toute ta vie. D'accord. Et du coup, Soir et depuis hier, hein, je sais pas comment ça se fait, mais depuis hier, toutes les filles qui passent, au lieu de raconter l'histoire de, tu sais, rapide, il faut faire tout un détour pour arriver jusqu'à la finalité. Ça c'est l'effet série télé. Ouais, peut-être, ouais. C'est la fin. Mais tu nous radio, on aurait mis 2-3 écrans plus au milieu, tu vois, c'est à la TF1 quoi. Dans le prochain épisode, il nous racontera. Previously on story. Non mais c'est bon, c'est la fin. Du coup, voilà, on a tout déballé. Je dis bah écoute, dis à tout le monde que c'est toi qui m'as trompé. C'est des cadeaux. De m'inventer une vie, donc voilà. C'est bon, c'est fini. Mais alors c'était la chute alors. J'ai fini vite fait. Attends, je retire un coup la chasse là. On vient de nettoyer là. Voilà, on nettoie la tuyauterie là. Et ben voilà, ça y est, c'est fait, hein, c'est fait. Ah ben, belle histoire. Mais je sais pas si vous avez remarqué un truc, c'est comme dans les vraies séries, hein. C'est-à-dire que pendant tout le truc, t'es en haleine, tu te dis, il va se passer un truc, quand arrive la fin, en fait, t'es dégoûté. Ouais, t'es déçu. Bah, ouais. Il y a Miss Carter qui dit, Melun, c'est ma town, la big up, Ludivine. Ah ben voilà, il y en a deux, là, une deuxième de Melun, voilà, c'est ça. Et Miss Izibou qui dit, mais oui, petit couillon de Toff, va te présenter devant sa barrière. Bah oui, petit il va aller se présenter devant sa barrière, là, évidemment qu'il va y aller. Bon, Vanessa également, qu'on va prendre dans un. Que des filles ce soir, c'est rare. Oui, c'est beau. Bah oui, Vanessa qui est avec nous de Paris là, ça va Vanessa? Ça va et vous, bonsoir. Hey, bonsoir Vanessa. T'es déjà tombée sur des connards toi ou pas? Non, pas trop, ça oui, va. Oui, sur Polo, et là tu sais pas, c'est T'imagines. Bon, les filles, dans un instant on va encore appeler pour les couilles. Vanessa, t'es déjà tombée sur un mec avec des grosses ou des petites couilles? Des très petites, moi j'ai eu moi. Des très petites, d'accord. Noisettes? ça m'a fait même très rire pendant le rapport. Donc, des bon. Petites couilles. Ah bon, bah très bien. Bah, écoute, on va en parler dans un instant. Tu aurais dû le garder parce qu'il aurait été très bien comme père. Voilà, c'est ça. Mais écoute, dans un instant, on devrait aussi avoir un auditeur. Là, j'avais dit qu'on pouvait, ils pouvaient venir aussi, hein, ceux qui étaient des connards, avec une version cachée donc de leur voix, si jamais ils avaient peur que les filles leur connaissent. Donc, pas de problème. Nous aurons d'ailleurs cet homme dans quelques instants au téléphone. Vanessa, Ludivine, Léa, Laura, vous bougez pas les filles. Ah, oui, on bouge pas. Oui, Léa, ça c'est Laura, ça. Pourquoi oui. Oui, ouais, mais pourquoi vous demandez les tours de taille et tout ça là exactement? Bah, c'est parce que cet œuf il fait son marché, il essaye péniblement depuis des années de trouver une meuf et à chaque fois ça rate. Oui, c'est voilà, donc, du coup pour le moment j'ai juste ma main. Voilà, pour l'instant okay, c'est sa main. Je suis mineure moi. Ah oui, bah c'est pas grave Léa, t'inquiète pas. Ouais, mais remarque, je suis déjà sortie avec un mec de 21 ans. C'est, mais c'est pas la profession qui l'intéresse, mineur. Ouais. T'inquiète pas qu'il pose la question après, mais en général il a pas l'occasion de poser cette question-là, c'est un non directement, donc t'inquiète pas. Ouais, ouais. Généralement en fait je dis bonjour et la fille elle fait non. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, allez, bougez pas les filles, bonjour. On va revenir avec vous dans quelques instants en direct sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, on est bien avec des filles là. C'est marrant, depuis qu'il y a plein de filles, j'ai mal au crâne. Je sais pas comment ça se fait. Il y a Mégane qui dit 4 ans que je suis avec mon copain et aujourd'hui j'apprends qu'il sort avec une fille depuis le mois de juillet. Brandon qui dit Mickaël juste kiffant la mais la musique du renard, là, c'est juste énorme. Mais oui, je vous ai promis qu'on allait le faire, je vous l'ai fait découvrir dimanche soir la chanson du renard car le renard fait. Il faut voir la danse hein. What the fuck, voilà, et c'est ce qu'elle fait la musique du renard. Ou alors il fait aussi. Bon voilà, qu'est-ce qu'il fait le renard justement là? Ben il fait ni wop hop hop. Je vous l'avais fait découvrir dimanche la chanson. Si vous voulez qu'on vous la mette ce soir en entier, vous me dites hein, hashtag et Mickaël. Avant 2h du match, je vous la cale. Elle est là, elle est prête. Elle est prête, le refrain c'est ça. Hein? Il est sous acide. Ah ouais, le renard il est au taquet. Bon, si vous voulez que je vous le passe tout à l'heure, hashtag Mickaël, allez-y. Et sur le Facebook également, vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Là, je compte sur vous. Si vous n'êtes pas encore fan de la page, eh ben, on parle notamment de l'iPhone, le nouveau, le 5S et le 5C. Venez nous donner vos avis à ce sujet justement. Là, on attend tous vos messages maintenant. Facebook.com, vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. On est là depuis le 22 juillet. On est déjà à quasiment 130 000 personnes sur le Facebook. C'est bien là pour une émission qui a un mois et demi, non? C'est on est quand même plutôt bien là, ouais. On est quand même plutôt bien grâce à vous. Merci en tout cas pour tous vos messages. Et puis on va se faire péter maintenant le son. Peut-être la chanson du renard tout à l'heure avec le Fox là. On va se faire Showtech maintenant sur Fun Radio. Encore un son que vous avez bien kiffé. On vous le met maintenant, c'est Booyah. Tiens, un message qui disait Alexandre là, tu pourras passer aussi Showtech avec Booyah. Et ben voilà, t'as vu le service. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limits. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et je vous cale aussi le nouveau son de Macklemore là dans quelques instants avec White Wolves. J'aime bien. Ouais, il est top celui-là. Il est top. Ouais. Et il y a Mégane qui dit aussi 4 ans que je suis avec mon mec aujourd'hui, j'apprends qu'il sort avec une fille depuis le mois de juillet. Oh, quel enculé. Regarde ce que je lui mets dans sa gueule, tiens. Je lui mets même un coup de pelle. Voilà, et attention, Toff se met à quatre pattes et... dans sa gueule. Exactement, voilà, comme ça c'est fait. Hop, là, l'affaire, elle est torchée maintenant. Bon, tous vos messages en direct, allez-y, vous les balancez. Venez nous rejoindre également sur le Facebook de l'émission. Facebook.com, vous tapez Mickaël officiel. Si vous voulez également, eh bien, nous suivre sur le Twitter et sur l'Instagram, c'est possible aussi. Il suffit simplement de taper Mickaël officiel sur Instagram et sur Twitter. Si vous me faites un follow, moi aussi, je vous ferai un follow. Il n'y a aucun problème. Jonathan qui dit, mais quels sont de ouf ce Showtech. Et alors, Miss Carter qui dit, Mickaël, No Limits, l'émission qui me fait craquer mon slip. Ça peut être une idée, on va essayer de vous trouver, faire trouver tiens demain, tiens, on va essayer de réfléchir à ça, de trouver des slogans pour l'émission. C'est vrai qu'on n'a pas de slogan? Non, c'est vrai. Ah bon, on va chercher demain. Bah, cherchons. On va demain. Chercher jusqu'à ce soir, jusqu'à demain déjà là. Et puis vous on y réfléchira demain à partir de 23h. Voilà. Et on a une nouveau top tweet là, c'est bon ça, oh bah, merci là, à vous. Hein. Bah nous dans l'idée on n'y est pas pour grand chose, c'est grâce à eux. Hein. Bah c'est bien, et puis je rappelle également que dans 50 minutes on y lira aussi l'auditeur de la soirée, celui qui sera le top tweetos. Voilà, nous on est top tweet et puis vous serez top tweetos, puisque bah, tout à l'heure on a un site en fait qui calcule le nombre de personnes qui se connectent sur le Twitter, etc. Et donc du coup on peut savoir le nombre de personnes et surtout qui a tweeté le maximum de fois le hashtag et Mickaël. Voilà, donc du coup on fait un top, un petit topo là des 4, oui. 5e et 4e. Laisse-moi 30 secondes. 30 secondes c'est long hein, dans une émission de radio. Hein. Bon, laisse-moi 2 secondes. 2 secondes. 1. 2. C'est bon. Parfait. Alors, numéro 5. Perry Farrelly. Ah, toujours garçon numéro 5 alors, hein, c'est bien. Ouais. Numéro 4. Echo 90 qui était deuxième hier. Qui était deuxième, ouais, t'as ouais. fait, là, il vient de perdre deux places. Bon, bah, du coup, on verra ouais. Au niveau des premiers, ça change ou pas, sans dire de nom. Alors, oui, ça juste, enfin, non, il y a toujours, bon, la star des stars, la tweeteuse incontestée. Ouais, mais qui est quand même dimanche, qui a laissé son titre. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Et sinon, non, ouais, après, il y a un qui était déjà dans le top 5, mais qui était jamais arrivé premier. D'accord. Et et à nouveau. Troisième, c'est un nouveau. Et ben voilà, très bien. Bon ben voilà, donc le concept c'est ça, vous balancez un maximum de messages en mettant le hashtag Mickaël dans vos tweets, hein, même si c'est pas pour ne pas parler de nous, c'est pas grave, hein, tant que vous mettez le hashtag Mickaël, et puis bah du coup vous êtes donc l'auditeur de la soirée, le plus influent sur Twitter, et on aura le nom du gagnant tout à l'heure à 2h du mat à bah, la fin de l'émission forcément, avec le hashtag Mickaël, je compte sur vous. Mais que fait le renard? Voilà, il fait ça le renard. Mais alors, et qu'est-ce qu'il peut faire également le renard? J'ai rencontré un renard une fois dans ma vie. De quoi? J'ai rencontré un renard une fois dans ma vie, il faisait pas ça. Non. Mais peut-être que le renard faisait ça. Ah non. Et s'il faisait ça peut-être? Ah, peut-être qu'il faisait ça, je ne sais pas. Peut-être, bon bref, ouais. Dites-nous si vous voulez qu'on écoute, hein, le son en entier là. La chanson du renard, je vous ai fait découvrir. Eh bien c'était dimanche soir. N'hésitez pas, vous tapez le hashtag et Mickaël bien sûr. Il y a DJ Brubru sur Twitter qui dit aujourd'hui 2 semaines que je t'écoute, juste énorme. Oh ben c'est gentil, merci à toi. Allez, pour toi, je vais te mettre un coup de pelle. Tout ce que tu mérites également. Et puis Rémi qui dit dédicace à vous là. Merci beaucoup pour tous vos messages. Bon alors, on va continuer à appeler la Toff là. On va vérifier, hein, les filles, vous êtes toujours là, Ludivine, Laura, tout ça? Allons-y. Oui. Parfait. On y va et nous allons maintenant appeler quelqu'un pour vérifier cette étude anglaise qui dit que apparemment quand on a des grosses couilles, on peut être un mauvais père et surtout on peut avoir des problèmes cardiaques. Oui. C'est ça. Donc on appelle, on vérifie encore une fois. Tout à l'heure l'autre n'avait pas l'air très ouvert. On appelle maintenant, non là par contre c'est le son de Martin Garrix. Bah du coup vous savez qu'on l'écoutera tout à l'heure. Voilà, c'est parti, direction je ne sais pas où. On avait appelé à Charleroi également tout à l'heure là, ça c'était plutôt mal passé. Est-ce que ça va bien se passer maintenant? Je ne sais pas, nous verrons. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui monsieur. Oui, bonsoir. En fait je vous appelais pour savoir si votre mari avait des grosses ou des petites couilles. C'est quoi? Est-ce qu'il a les testicules plutôt gros ou plutôt petits? Bah, vous voyez votre mari? Le coucher. Oui, ça c'est pas grave. Vous voulez que je le passe? Oui, si vous voulez, ce sera plus simple. D'accord. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonjour. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez des grosses ou des petites couilles? Ah bah... Des grosses ou des petites quoi? Couilles. Couilles? Oui, vous savez, vous voyez votre sexe. Mais vous êtes trompé, oui. Non, et je veux savoir, enfin, vous savez, en dessous, il y a un truc qui pend. Est-ce que c'est gros ou est-ce que c'est petit chez vous? Mais il n'y a rien au-dessous, quelqu'un qui habite. Non, en dessous, en dessous de votre sexe. Oui. Il y a quoi? Il y a quelqu'un qui habite au-dessous de moi. Non. Je crois qu'on s'est pas bien compris. Dans votre corps, il y a un endroit où il y a votre bite. Ah. Voilà, et en dessous, qu'est-ce qu'il y a en dessous de votre bite? Il y a... Il y a... Il y a, je sais pas quoi. Les couilles! Eh oui! Les couilles? Oui! Et donc, je voulais savoir si les vôtres étaient grosses ou petites. Ah je sais pas bien vous expliquer. Ah, mais votre femme, par rapport aux autres hommes qu'elle a connus, elle trouve ça gros ou petit? Bah, des petits. Ah, vous avez des petites couilles. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir, monsieur. Parce que, voilà, du fait que vous avez des petites couilles, vous n'aurez pas d'attaque cardiaque et vous êtes un bon père. Oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui. Voilà, ça vous fait plaisir? Ça me fait plaisir, merci. Je vous en prie, monsieur. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, je suis sûr que vous allez mieux dormir maintenant. Merci. Allez, au revoir, monsieur. Allez, au revoir. Au moins on l'a aidé, tu vois, c'est quand même pas mal, hein. Bah oui, c'est quand même bien. Bon, je vous ai mis sur le Facebook là, est-ce que vous voulez écouter la chanson du renard là? Je vous l'avais fait découvrir dimanche soir sur Fun Radio. What the fuck, c'est... Voilà, il y a même la photo du renard aussi, vous pouvez aller la voir. Il mérite le détour. Là, facebook.com/mikaelofficiel. Allez nous donner vos avis. Les filles, vous voulez écouter la chanson du renard là, Laura, Léa, tout ça? Ouais, elle est marrante. Ouais, Léa. Ouais, quoi? Ouais, ouais, c'est pas grave, attends, je trouve pas ça. Moi, c'est pas ça, c'est juste que je suis en train de m'habiller, en fait, parce que je viens de me rendre compte que j'étais encore un petit culotte dans mon lit. Normal, normal. En même temps, c'est normal, hein. Bon, les divines, what the fuck, c'est, on écoute la chanson du renard? Oui, bah oui, on l'écoute. Eh bah ouais, bah ouais, bah tiens, et attends, et Vanessa, on l'écoute la chanson du renard? Ah oui, ah oui, bien sûr. Bon bah très bien, parfait. Hop là, on l'écoutera tout à l'heure. Si vous voulez, n'hésitez pas, hashtag Mickaël évidemment sur le Twitter. Vous le dites si vous voulez qu'on l'écoute. Et pareil également sur le Facebook, donc facebook.com/MIKAELOfficiel. Et nous avons avec nous maintenant, eh bien... service, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Léa? Qu'est-ce qu'il y a là? Mais c'est quoi ton problème, toi? Mon problème? Bah oui. Quel problème? Bah je sais pas, là tu sors des trucs On dirait que t'es en train de faire une émission. On dirait qu'en fait tu fais de la concurrence, on dirait que tu fais une émission dans l'émission. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai trouvé. T'as trouvé votre quoi? Votre slogan là. Ah, pour, vas-y, fais péter. Non, c'est juste pour les trucs de connard, quand il y a des trucs avec connard dedans, connard info service, bonjour. C'est pas mal Léa, c'est peu mieux faire mais c'est pas mal. Non, c'est vrai. C'est bien. Ah. Bon, allez. Bon, en parlant de connard, je voulais vous présenter, je sais pas si vous le connaissez, peut-être pas les filles, on sait jamais, Laura, Léa, Ludivine. Je voulais vous présenter un mec qui vaut quand même le détour. Monsieur X qui est avec nous ce soir, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous allez bien? Bien et vous? Parlez un peu plus fort, monsieur X, on vous entend mal. Allez-y. Voilà. Vous m'entendez mieux? Oui, là, on vous entend mieux, monsieur X, là. J'entends rien du tout. Comment ça, t'entends rien du tout? Mais si, t'entends. Mais mets ta radio, alors, Léa, là. C'est dingue, ça. Bon, les filles, vous entendez monsieur X? Monsieur X? Bonsoir. Oui, ça va, on entend. Ah, voilà. Donc, c'est juste Léa, en fait, qui boira. C'est pas grave. Bon, alors, monsieur X, vous vouliez parler sous couvert de l'anonymat. On parlait des connards. Oui, je préfère qu'on ne me reconnaisse pas. D'accord, ok. Voilà, Et vous avez travaillé chez Julien Courbet, vous, non? Oui, je suis témoin officiel chez Julien Courbet. D'ailleurs, je reprends du service, hein. Je sais pas si vous avez entendu parler. Ah bah, c'est sur aucun autre, mais c'était sur TF1 il y a longtemps, ça. Oui, mais maintenant, on recommence sur TMC. Ah ouais, vous avez perdu en gamme, hein? Bah écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. De toute façon, en même temps, la TNT, c'est un peu le retour de ce vieil loir, un peu comme moi, quoi. Parlez un peu moins vite, monsieur X, on comprend rien ce que vous racontez. Je disais, la TNT, ça permet à toutes les vieilles gloires de revenir, un peu comme moi. Ah, les vieilles gloires de revenir? Oui. D'accord, ok, très bien. Et en termes de connard, vous vouliez dire un truc? Ah non. Ah bon, bah alors je comprends pas, parce qu'on parlait des connards tout à l'heure, donc... Oui, mais je ne vois pas de quoi vous parlez, je suis... Bah des connards, général, justement. Des mecs qui se foutent de la gueule des filles, qui font n'importe quoi... Ah non, pas du tout, non, moi je suis un gentleman, je veux dire... Un gentleman? Oui, je respecte la femme, tant qu'elle me suce la bite, quoi. D'accord, merci monsieur X, merci pour cette information très importante. Non. Et si elle préfère la faciale, alors là, bon... J'ai compris, on a compris. Vous êtes venu que pour ça? Bah vous m'avez demandé de passer pour témoigner, moi je témoigne, y'a pas de problème. Non mais d'accord, mais c'est parce que j'ai eu oui dire, vous aviez un livre à présenter. Ah, vous voulez parler de ce petit texte que j'ai écrit sur internet? Oui, j'ai eu oui dire ça effectivement, vous aviez écrit un livre sur internet. Les filles, est-ce que vous avez entendu parler de ça, du livre de monsieur X? Ah non, pas du tout. Alors attendez, c'est bien la peine que je me casse le cul à écrire des trucs. Non mais attendez, je suis dans les poubelles, voilà. Alors attendez, parce que je l'avais foutu à la poubelle tellement il était bon le livre de monsieur X là, non mais c'est vrai en plus hein. Et j'ai une question à X, t'as des petites couilles, des grosses couilles? Écoutez, ça ne vous regarde pas, mais si vous avez une petite salope qui veut venir me les palper, c'est toujours du... Bon, la question, donc le livre, Ludivine, Laura et Vanessa, le livre c'est Comment bien baiser les secrets du sexe hard. Et donc c'est ça que vous avez torché, monsieur X? Non, attendez, j'ai pris ma plus belle plume pour écrire Attendez, parce que je... littérature. Oui, mais enfin, je fais des citations quand même. Hein. Citez-moi. Oui, montrez-lui qu'elle n'a pas vraiment le choix. Attaquez sa poitrine. Qu'il obtient quand il veut. Vous décidez du cours des événements, la position, le rythme, tout est entre vos mains ou vos cuisses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme citation? Là, c'est encore les plus soft, c'est le début du livre. Le fait de perdre tout contrôle de la situation est un turn-on majeur pour beaucoup de femmes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je vais un peu plus loin là. Si seulement vous saviez combien de femmes rêvent de se faire démonter par un inconnu au calibre géant. Mais évidemment, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pensé à cacher ma voix pour ne pas être reconnu. Attendez, taisez-vous monsieur, que j'ai pas terminé vos citations. Ne lui demandez pas si vous pouvez la pénétrer comme un animal sauvage, faites-le. Bien sûr qu'elle ferme sa gueule cette salope. Oh dis donc, monsieur X. Et alors pour terminer, pour bien baiser en somme, il vous suffit de vous fier à votre instinct animal et de le laisser parler, de laisser parler vos envies pardon sans vous restreindre. Prenez le contrôle du rapport sexuel et pensez que votre masculinité passe par les coups de boutoir infligés avec votre membre. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre de merde? Ce sont d'excellents conseils que je donne à la gente masculine pour déglinguer de la meuf à tour de bras. Enfin, monsieur X, ça veut rien dire. Vous savez ce que je fais de votre livre? Faites-en ce que vous voulez. Voilà. Écoutez, c'est dommage que j'avais enfin réussi à vous instruire sur la sexualité des femmes. Regardez, attendez. Hein voilà. Voilà. Non, là, vous avez détruit des années de recherche. Voilà. Je suis déçu. Attendez encore un coup. Ah non, j'arrive plus. Ah, voilà. Votre attitude est puérile, si je puis dire. Non, mais écoutez, vous plaisantez, j'espère, quand même. Pas du tout. Rien à voir. Bon, Ludivine, Vanessa, oui. Laura, là, même Léa, là. Qu'est-ce que vous pensez de monsieur X? Vous voulez que je vous le présente? Non. C'est un connard. Non, mais soyez franche. Mais carrément, mais ça. Enfin, je sais pas, en même temps, on baise pas une meuf comme ça. Une fille écarte si elle veut. Certes. Mais c'est un psychopathe, ouais. Mais oui, mais c'est les filles qui contrôlent, c'est ça que vous n'avez pas compris, les garçons. Voilà. C'est les filles qui disent oui. Arrêtez, monsieur X, enfin bon. Attendez, ça saurait si les femmes, ça y connaissait quelque chose. Ah, parce que vous y connaissez grand chose. Mais oui, évidemment. À quatre pattes, une bonne claque sur les fesses et puis on en parle plus. Bon, monsieur X. Oui. Bon, vous pouvez prendre vos affaires. Déjà ? Bah écoutez, on va pas vous garder là comme ça éternellement, ça n'a pas de sens. Alors attendez, pourtant moi j'avais beaucoup de bons conseils à donner à toutes ces petites. Toutes ces petites quoi? Ces petites poufs. Il a dû tomber sur des filles faibles, je pense. Oui, je pense également, ouais. Je pense également. Mais en même temps, quelqu'un qui arrive et qui se la ramène au point de cacher sa voix, c'est déjà quelqu'un qui n'a pas de couilles, hein, si je puis me permettre. Ah oui, c'est ça, bah voilà. Ah, évidemment. Il a peur. Vous n'avez rien compris. Les femmes aiment le mystère, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Ouais. Les femmes aiment découvrir les choses petit à petit. Bon, une fois qu'elles l'ont dans la bouche, ça rentre. Non, merci, monsieur X. Bon, il y a Romain qui dit monsieur X toujours aussi inutile, donc indispensable. Je vous remercie. Oui, tu parles. Bon, très bien. Bah, bref, merci monsieur. Enfin, je ne vous remercie pas plutôt, hein, parce que vous n'avez servi à rien avec votre livre de merde. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je pense que si vous l'aviez lu mieux, si vous aviez mieux compris mon propos, vous sauriez que c'est ça. C'est comme ça qu'on baise une meuf. Oui, c'est ça. Bon, vous voulez pas un exemplaire, les filles? C'est pas nécessaire. Non, merci, c'est bon. Bon, bah, très bien. Ils n'en ont pas besoin, ça s'adresse à des hommes. Bon, très bien. Bon, au revoir, monsieur X. Merci, au revoir. Au revoir. Je vais vous laisser Polo pour le travailler un petit peu avec lui, là. Bien sûr, je vais lui amener deux, trois petites chiennes en chaleur, là. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose avec Polo? Bien sûr. Ça peut devenir votre meilleur ami? Non, n'allons pas jusque-là. Nous ne brouterons pas dans les mêmes fous, mais... Bon, merci beaucoup. Au revoir, monsieur X. Hein. Je vous en prie. Et je ne vous remercie pas, évidemment. Bon, très bien. Bah voilà, comme ça, vous l'avez rencontré, hein, Laura, Ludivine, Vanessa. J'espère que vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Ouais, c'est magnifique, merci. N'importe quoi. Bah attends, mais c'est quand même assez exceptionnel, hein. Hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Hein? Je connais pas son livre. Ah, mais eh ben, c'est un livre de merde, hein, je l'ai dit, hein, c'est un livre de merde, c'est pas plus compliqué que ça. Donc du coup, c'est pas une chance. C'est vrai, effectivement, mais t'inquiète pas, tu apprendras à le connaître. Bon, Vanessa, donc toi tu veux appeler pourquoi? Bah les filles, restez là, hein, tant qu'on est là entre... Ouais, je suis bien là, entre que les meufs. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah ouais, franchement, je suis bien installé, tranquille, quoi. Et il y a Chris. Ouais. Oui, je t'ai ajouté de nouveau sur Twitter. Tu m'as rajouté sur Twitter? Oui, je t'ai follow, oui. Alors attends, donc ça veut dire que tu m'avais pas follow tout à l'heure, là? Si, mais je t'ai refollow. Enfin, ouais, c'est ça, ouais. Attends. Non, c'est vrai. Ouais, parce qu'elle t'a défollow et puis elle t'a refollow. Donc c'est L_troll, c'est ça? Oui. Alors attends. L_, moi non, j'ai L_trollé, mais c'est tout, hein. Bah sinon, mets voir Laura. Bah oui, mais Laura, comment t'expliquer que je vais tomber sur 150 000 Laura, là? Alors attends, je vais voir si t'es pas dans les dernières, là, qui viennent d'arriver. Bah non, hein. Je vous rappelle que si vous me faites un follow, je vous follow également, là. Trontin? Bon. At Laura01? Non, Laura, M-E-S-E-M-B-O-U-R-G. Tout en mots? Oui. Oh, dis donc, t'es pas relou, hein. Laura, alors, Laura, M-E-S... E-M... M-E-S-E-M. B-O-U-R-G. Ah, elle est là, Ghostbuster. Oui. Ah oui, bah très bien. Effectivement, je te followais pas, effectivement, oui. Alors, très bien, hop là. Ce qui ne tue pas ne te rend plus fort. Oui. Oh, c'est mignon, c'est un bateau filog. C'est Polo. Polo est en kiff sur toi, une petite rouquine. Oh. Bah voilà, je te follow maintenant. Toi, t'es blonde vénitienne, quoi, c'est les rousses qui s'assument pas, ça. Non, je suis blonde, tu sais, y'a tout le monde qui me le dit. Bah arrête ton cinéma, Laura, c'est pas grave, t'es blonde vénitienne, c'est pas grave, hein. Y a beau. Toi, c'est son fantasme, les rousses, par exemple. Ah ouais, hein. Moi j'aimerais bien. Ah bah ouais. Donc, tu vois, finalement, t'as vu la chance que t'as là? Bah ouais. Ouais, trop. Ah bah. Ouais, trop. Au taquet, attends, y'a. En plus, je connais bien Metz, tu vois, c'est dommage de. Ouais, en plus, c'est vrai. Il y a Chris Isbach qui dit Monsieur X la ramène, il vient en inconnu, va te coucher Monsieur X. Arnaud qui dit un coup de mitraillette à ce connard de Monsieur X. Ah ouais, j'aurais dû, mais c'est dommage, j'ai parti. Rémi qui dit mort de rire, Monsieur X me fait triper. Et alors Chris qui dit comme un animal sauvage, des animaux, on sait ce qu'il fait le renard. Il fourre, exactement. Bah il fait ça également, tiens, chanson que vous avez fait découvrir dimanche soir sur Fun Radio. Monsieur X toujours aussi inutile, Monsieur Miss Carter pardon, qui dit Mika passe-nous le renard s'il te plaît, oui balance le titre que je le puisse le télécharger. Et alors Once Upon a Time qui dit oh mon dieu mais il y a personne en dessous de moi, pauvre, le pauvre. Pas compris. Mais si, c'était l'appel, c'est le mec qu'on a appelé tout à l'heure. Ah oui, pardon, attends pas moi, j'ai la mémoire courte. Je lui demandais ce qu'il y avait en dessous de sa bite et j'ai dit non, il y a personne qui habite. La mémoire courte. Bon, on se fait la chanson du renard les filles. Ah ouais. Et juste après on parle avec toi Vanessa, là on va parler on va parler de quoi exactement? De sexe. Très bien. Nous allons faire ça dans un instant. D'abord la chanson du renard. Vous l'aviez découvert sur Fun Radio, c'était dimanche soir dans l'émission dans Mickaël No Limit. On se l'écoute, on en sait maintenant. Et ben voilà, je vous l'avais fait découvrir dimanche soir la chanson du renard. Et ben voilà, vous l'avez, hein. Fox Song, voilà. Alors vous avez kiffé les filles? Ouais. C'était la folie totale. Bon bah si vous voulez la réentendre, n'hésitez pas, il y a le clip qui est sur le Facebook, je l'ai mis dimanche soir, facebook.com/Mickaël, tout simplement Mickaël officiel. De quoi? Pourquoi ça gueule comme ça là? Ah, c'est Ludivine que ça gueule. Ludivine, tu as le haut-parleur ou le kit mal libre? Non, pas du tout. Mais si, espèce de mytho. Comme par hasard. Ah bon, il y a un message aussi qui est arrivé. Pedro qui dit Monsieur X, c'est le swag international, tu parles. Ryan aussi qui dit moi je préfère l'iPhone 5C car la lettre C me rappelle la grosseur des seins de Lilou. Comment t'expliquer qu'à un moment il va falloir peut-être aller chez Afflelou là non Parce qu'il y a un souci technique en termes de vision quoi. Ouais, oui, avant C, il y a B, avant B, il y a A. Ouais. Avant A, il y a moins A. C'est Lilou. Voilà, on est plus ou moins à ce niveau-là, quoi, en termes de ça. Ouais, je sais, beaucoup de gens qui kiffent la branlette espagnole vont être déçus, mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas possible. Il n'y a pas assez. Ce n'est pas possible. Elle vit au-dessus de ses moyens. Exactement. Bon, alors, Vanessa. Oui. Avant de te prendre, on va d'abord faire un petit appel pour vérifier là, en termes de couilles. Allons-y. Si les messieurs ont les grosses ou les petites couilles. C'est évidemment, c'est une enquête, hein. C'est une grande enquête anglaise qui démontrait que apparemment, quand on a des grosses couilles, on est un mauvais père et on risque d'avoir des problèmes de cœur. Cardiaque, quoi. Oui. Bon, on appelle. Allons-y. Allez, c'est parti. Je suis prêt. Bah, tant mieux. On y va, c'est parti. Vanessa, Ludivine, restez là. Laura, Léa également. Et on aura un connard apparemment au téléphone dans un instant. Et ce n'est pas Monsieur X, enfin je crois. Allez. Bon, je sais, il est tard, mais... Bon, c'est normalement un numéro qui est censé décrocher à cette heure-ci. Parce que ça nous dit... Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre mari avait plutôt des petites ou des grosses couilles. Et votre connerie ? Bah, je vois pas le rapport, madame. Allez vous faire foutre. Mais pourquoi vous me dites ça? Eh ben, va te faire foutre, voilà. Bon, on rappelle, elle est argentine en plus, hein. Ouais, elle avait l'air sympa, franchement. Voilà. Je sens que le dialogue passe bien. Grave. Ouais, et si vous avez des numéros de gens qui sont encore debout à cette heure-ci, balancez-les-nous, hein. Alors, attention. Eh, elle a fait pas l'envers. Oui, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, nous avons été coupés. Ben, vous foutez de la gueule du vent, là, faire chier le monde à cette heure-ci, là. Ben, pas du tout, monsieur. Moi, je vous appelais pour poser une question. Ben, on vient de se faire traiter de mari grosse couille, je sais pas quoi, là. Non, je voulais savoir si vous aviez plutôt des petites ou des grosses. Ben, moi, monsieur, je vous emmerde. Mais il n'y a aucun rapport, monsieur. Ouais, Blanc. Il dit, ben ouais, messieurs, je vous emmerde. Voilà, je vous emmerde. Comment je sais pas, je vous emmerde. C'est comme ça que ça doit se passer, effectivement. Ouais, ah ouais, ben ça faisait longtemps, tiens. Bonsoir, les mignons, là, ça va bien? Merci, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Bon, Vanessa, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, en fait, moi, ce serait pour parler, bon, moi, comme je vous ai dit, de sexe, mais pas vraiment de sexe classique. Pas vraiment de sexe classique. Oui, je répète. Ouais. En fait, moi, j'aime bien tout ce qui est jeu de rôle. Quoi? J'aime bien, par exemple, me déguiser. Quoi? Me déguiser en infirmière ou quoi? En petite fliquette, en policière. Je me fais des notes à mon partenaire, etc. Quoi? Bonjour, c'est le plombier. Oui, moi je viens pour réparer la tuyauterie. Et ça, ça m'excite vraiment beaucoup, beaucoup. Ah bon? Donc si un mec qui arrive, il dit bonjour, je suis le plombier, ça t'excite? Ah oui, on est. Ah bah, la dernière fois qu'ils sont venus réparer chez elle, le mec il est resté deux heures de plus. Hein. C'est ça. Et il a vérifié toute la canalisation, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Fait. D'accord, ok. Et en fait, en ce moment, ce qui me turlupine, si je peux. Oui, donc turlupine, il y a. Enfin bref. Et il y a turlu. Oui. En fait, j'aimerais bien me transformer, entre guillemets, bien sûr, toujours dans les jeux de rôle, être en femme de ménage, mais sale. C'est un peu bizarre. Comment mais ça, femme de ménage sale, je comprends pas. Être avec ton délire. Une blouse, un peu dégueulasse, les cheveux. Ah, genre une meuf qui vient de bosser, qui a fini genre le service. Voilà, quoi. Et puis faire l'amour comme ça, en mode un peu cradasse, entre guillemets, quoi. D'accord. Ouais, je sais pas pourquoi en ce moment, c'est ça qui me. Eh ben, je sais pas pourquoi non plus, hein. Ouais. Pour tout te dire. Bon, attends, Vanessa, on va se mettre en mode un peu. En mode quoi ensemble. Alors, combien mesures-tu, Vanessa? 1m69. Combien pèses-tu? 54 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85D. D comme Denise? Tout à fait. Ah oui, c'est énorme. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 36. Ah oui, oui. Oui, oui, écoute, Ah, il est parti là, il est parti avec le scooter là, ça y est, il est là. Il y avait un petit peu de ménage à faire chez moi, en plus c'est un peu crado, donc on va être bien. C'est vrai, très bien. Les situations comme ça m'excitent beaucoup plus que le sexe classique, on va dire. Le sexe classique dans un lit comme ça, bon, ça m'excite pas quoi, ça me fait pas quelque chose. Alors que si c'est le livreur du matelas qui débarque, là ça peut se faire dans le lit. Carrément, carrément. D'accord, ouais. En fait c'est toute une question de psychologie. Voilà, tout à fait. Très bien. Et vous les filles, pareil, Olivier et Laura et Léa aussi d'ailleurs? Moi j'ai poussé le vice plus loin, on va dire. Ah bon, t'as fait quoi toi? J'ai poussé mon copain à être pompier. Il est pompier d'ailleurs. Non, mais il est sérieuse. Mais oui, il est pompier. T'as poussé ton mec à être pompier juste parce que c'était un fantasme? Mais non, pour l'uniforme. Pour l'uniforme. Ah oui. Mais ah vous êtes barré. Hein. Pour l'uniforme et pour le camion et tout. Du coup, t'as déjà fait dans le camion, toi, Ludivine? Non, mais je m'y tâte. Et le mec est tellement bête qu'il l'a fait. Moi, quoi. Je me suis tapé. Non, mais c'était sa passion, être pompier. Donc j'ai mis un coup de pied au cul. Non, c'était. Regarde. Ce bon bruit de pompier américain. Ah, moi c'est un délire. Ça t'excite ou pas ça? Non. Regarde, on fait les deux en même temps là. Alors, t'es dans quel état là? Hein? Anne Divine. On va dire que je suis en feu, on va dire. Oh non, il faut sortir la lance. Oh putain, les jeux de mots la con, je suis y aller. Hein. Oh putain, ouais. On doit se marrer avec vous là, on doit se marrer. Hein. Et toi Léa, tu voulais dire un truc? Non, moi je sais pas si on peut le classer là-dedans en fait. Parce qu'en fait, je me suis tapé un délire en fait à propos de la danse country. En fait, du coup, on se mettait des chapeaux de cow-boy sur la tête à tour de rôle. De la danse country, bien. J'ai des chapeaux de cow-boy sur la tête et il me chevauchait, je chevauchais, voilà. Tu chevauches les petites rousses. Ah ouais. Non, c'est Léa, ça, c'est pas d'accord. Laura. Laura, c'est la rouquine. Qui n'est pas rousse, qui est blonde. Voilà, qui est blonde vénitienne. Exactement. Non mais moi, voilà, je suis c'est rouge. Ça. Ah, toi c'est rouge, Léa. En fait, j'ai les cheveux noirs, mais je me suis fait des mèches rouges dessus. D'accord, pourquoi pas. Écoute, c'est rock'n'roll, hein. Ouais. Bah ouais. Bon, et donc ouais. Vanessa, du coup, toi, tu nous appelais juste pour témoigner ou parce que tu cherches des éventuels plombiers Mais en fait, c'est moi. Un studio, si ça t'intéresse. J'aime bien moi particulièrement moi mes déguisés. Après, c'est vrai que s'il y a un éventuel plombier qui est intéressé, pourquoi pas. Mais s'il y a quelqu'un aussi qui est intéressé pour le trip femme de ménage un peu cradasse que j'aimerais réaliser. Et écoute, pourquoi pas. J'ai un appartement nettoyé. Et bon, c'est pas très grand, donc comme ça, t'auras vite fait le tour et après on peut. Okay. Je peux te nettoyer la chatte. Est-ce que oh, quel dégueulasse. La chatte, c'est autre chose. Il y a quelque chose. Derrière, Ouais, il y a vraiment crado comme meuf. Ouais, toi t'es un peu dégueulasse, Vanessa, quand est-ce même. Est-ce que tu peux déguiser en Pikachu? Est-ce que tu peux ça déguiser en Pikachu, ça m'excite. Pourquoi pas? Ah ouais, en Pikachu. Il y a des kiffs un peu bizarres, Polo, mais pourquoi pas, moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ça va, encore là, ça va, il y a quelqu'un qui existe. Attends, il est excité par quoi? Les abeilles ou je sais pas trop quoi. Oh là là. Les filles, tu sais, les déguisements d'abeilles, là, avec les serpettes et tout ça. Et puis, je connais un type, il est excité par ça. Oh là, mon Dieu. Mais il faut changer ton cercle d'amis très rapidement, maintenant. Hein. Non, c'est pas ça, mais il est bizarre, en fait. Il sort des trucs complètement cons, et lui, il est excité par les déguisements d'abeilles. C'est cela. Non mais écoute, moi je trouve ça très bien. Voilà. Vraiment, je trouve ça vraiment, c'est une bonne idée, je trouve ça classe. Les abeilles, je trouve ça vraiment bien comme plan cul. Hein. Ouais, moi je trouve ça pas mal, je pourrais me déguiser en bourdon et puis après le prendre. Mais oui, évidemment, tout à fait. C'est... Suis-je bête, je n'y ai pas pensé. Ah tu vois? Mais oui, effectivement, je ne comprends pas. Bon soit, c'est pas grave. Et donc du coup, attends, on va prendre aussi Stan qui est avec nous, là, tiens, c'est un mec. Stan? Ouais. Alors toi t'es le connard, toi c'est ça? Désolé pour l'accueil, hein, Stan. J'aime la voix. Oui, mais tu aimeras moins son âge, Vanessa. Ah bon, ouais, peut-être. Pourquoi? À moins que Léa, t'as quel âge? T'as un vieux de 40 ans. T'as quel âge, Léa? Quoi? 16 et demi. 16 et demi. Ah non, tu as peut-être aimé alors. Stan? Ouais. Bon, vas-y, dis-nous, explique-nous, puisque tout à l'heure Laura nous avait appelé parce qu'elle était en couple avec son meilleur ami. Et le meilleur ami justement du copain lui tourne autour et donc du coup c'était comment dire, un petit peu. Comment? Show the night. Comment alors? Eh hey, quoi? Show the night. Je comprends rien. Show the night. Ah. C'est comme Shogun Tonight chez les ch'tis. Ouais, Shogun Tonight. Ok. Bon, ouais. Et donc, Stan. Aou. Stan. Oui. Oui. Alors, en tant que connard, comme tu l'as dit au standard, puisque c'est ce que je vois, hein, connard dans le standard, c'est marqué dessus. Hein. Du coup, qu'est-ce que on peut faire pour toi, Stan? Qu'est-ce que tu voulais dire? Fais attention parce que tu as 4 meufs sauvages qui sont dans le standard. Ah oui. Exactement. Attention. Et j'aime bien le grrr de Léa. Grrr. Bon, Stan. Je ronronne aussi, mais je le fais pas alors. Ah bah vas-y, ronronne pour essayer. Attends. Ah, si mon chat ronronne comme ça, je te jure que je m'inquiète bien. C'est clair. Avec le veto. Eh, faut le piquer, hein, s'il ronronne comme ça, le chat. Hein. Non, sérieusement. Hein. Complètement barré. Bon, vas-y, non, Stan. Attention, je te mets là au milieu, là. Bonne chance. En fait, moi, je suis sorti avec plein de filles. Et après, je suis sorti avec une. Et j'ai fait cocu 8 fois. Oh putain. Bravo. Bravo. Bravo. Record battu. Laissons les filles donner leurs avis. Et là, je sors toujours avec. À chaque fois que je la quittais, elle m'en prenait. Oh, c'est une pauvre conne. Oh, la violence. Une pauvre conne. Désolé pour ta meuf, mais moi, en fait, j'oublie. T'as une voix sexy, mais non, en fait. Je crois que je t'aurais déjà envoyé bouler. Mais t'as raison. Mais carrément. C'est qu'elle est juste faible. Eh, les filles, si vous voulez participer au débat, n'hésitez pas, il reste de la place pour vous, mesdemoiselles. Hein. Pour une fois qu'on entend une fille, je serais content. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour nous appeler. Là. Faites-vous plaisir et moi aussi par la même occasion. Bon, mais Stan, mais pourquoi tu as trompé 8 fois et pourquoi tu retournes avec à chaque fois? À chaque fois, ouais. À la base, c'était pour m'amuser et puis après. Et puis après. Mais t'es amoureux ou pas? Je sais pas. Enfin. Non, il est pas amoureux, sinon il l'aurait pas trompé autant de fois. Mais s'il retourne avec, c'est que on peut aller voir ailleurs sans sentiment, sans être amoureux et retourner avec la personne qu'on aime. Ah putain, mais du divine, toi t'es une meuf pour toi. Mais il faut que la copine soit d'accord aussi. Hein. Bah voilà, c'est ça. Mais la copine, elle doit dire. Attendez, le poulailler là. Oh là là. Une seule à la fois là. Et c'est pas moi, j'en faisais pas partie là, j'ai rien dit. Ouais, mais j'ai vu tout le monde en train de gueuler là. J'ai l'impression d'être. J'ai l'impression d'être là. Et toi, Top. Oui. Tu mets un coup de lance-flamme à la tête à Michael, s'il te plaît. Écoutez, avec plaisir. Malheureusement, il n'a pas accès au lance-flamme. Ouais, je suis seul maître. Merde. Je suis. Et Léa. Léa. Tu peux pas t'en mettre. Oui. Tiens. Voilà. Un auto lance-flamme. Je réfléchis et non. Merde. Malheureusement, ce n'est pas configuré pour ça. C'est vraiment dommage. Hein. Ok, bah alors dans la tête du connard, ça va? Oui, ça je peux faire, un coup de pelle même. Voilà, hop, dans, et regardez, ça sonne creux. Bon, Stan. Oui. Et tire la chasse des chiottes aussi. Oui, oui, oui, oui. Dis donc, tu, veux pas faire, tu vas venir faire l'émission à ma place, Léa, là? Non. Ah, bon, bon. Stan. Oui. Je pense que nous allons te mettre un coup de lance-flamme dans la gueule. Hein? Pour mauvais traitement envers ta copine. Ouais. Vous êtes d'accord, les filles? Oui, ouais. Moi, je dirais non, je suis pas d'accord. Ah bah, trop tard, Ludivine. Il est déjà grillé, on peut plus faire marche arrière. Une fois que j'ai poussé sur le bouton, c'est foutu. Hein. Non, non, mais bon, je suis pas d'accord pour dire que c'est de la maltraitance. Enfin, en même temps, sa copine, elle est conne de reprendre et de retourner avec. Mais peut-être qu'elle est faite, peut-être qu'elle est amoureuse. Et quand on est amoureux, bah, on est. Bah, oui, attendez, mais quand voilà. On est amoureux, on est. Bête. Exactement, con, bête, tout fonctionnait évidemment, il n'y a pas de problème. Bon, alors attends, il y a Olivier qu'on va prendre dans un instant là. Salut Olivier. Youpi, un autre connard. Ça va bien? Attends, attends, attendez, attendez, attendez. Ça va, Olivier? Ouais. Bon, toi, tu nous appelles pourquoi? Par rapport à Vanessa et ses déguisements ou parce que t'as un connard? Ou les deux? Ah non, non, pour les déguisements. Bon, bah, très bien, bah, bougez pas de là, on va se faire. Ouais, la suite, là, ouais, alors, qu'est-ce que vous préférez, les filles? Martin Garrix, là, que, là ça dit Animals. Ou alors, le nouveau, oui. ou alors le nouveau Michael Moore. Michael Moore. Martin Garrix. Michael Moore pour moi. Bon, alors, attendez, Laura, tu veux quoi? Michael Moore. Michael, Léa. Michael Moore, j'ai dit. Michael Moore. Laura aussi, t'as dit Michael Moore. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Ludivine. Bah, du coup, bah, pareil, vu que. Bon, bah, très bien. Vanessa. Je voulais Martin Garrix, mais bon. Ah, bah, ouais, bah, là, tu iras faire foutre, hein, Vanessa, je pense. Hein. Ok. Je vais le faire foutre avec plaisir. Non, mais écoute, on te mettra peut-être tout à l'heure à la leçon de Martin Garrix, si on a encore un peu le temps, là. Bon, on se met. Vous êtes classe les filles, c'est cool. On se met maintenant le son de Michael Moore. C'est le nouveau, c'est White Walls sur Fun. Vous bougez pas les filles, je vous reprends juste après, d'accord? Ok. Ouais, allez, okay. C'est parti. I wanna be free. Le nouveau Michael Moore à l'instant sur Fun Radio. White Walls. Eh bah ouais, il était au top. Ouais. No limit. Michael. Fun Radio. Exactement, on est en direct avec vous toutes et vous tous sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat avec plein de messages qui sont arrivés aussi. Là, Romain qui dit Mickaël No Limit, plus t'écoutes, plus c'est addict. Ah, on va faire demain ça, hein, les slogans là. Si vous en avez des sympas là, n'hésitez pas à y réfléchir déjà. Damien aussi qui dit je suis preneur là pour la femme de ménage, là, j'aime les jeux de rôle. Ah bah t'as vu, on a trouvé quelqu'un pour toi là déjà, ah, Vanessa, bah, là, c'est pas mal. Hey, c'est quand même plutôt cool. T'es là, Vanessa? Bah ouais, justement, ouais. Ah, je suis déçu. Ouais. Mais t'inquiète pas, elle en prend plusieurs. Hein. Un beau gosse comme ah bah moi. Bien sûr, on prend un truc à plusieurs. Mais ben voilà, elle est pas dans le détail. Si elle peut en astiquer une, elle peut en astiquer deux. Et si je te fais écouter ça, Vanessa, ça t'excite? Attends, le stagiaire, viens à côté. Va chez Toff, là, va chez Toff. Parce que... Donc il a encodé les sons, donc moi je fais confiance, tu vois. Donc le stagiaire qui est là, il va dire bonjour pour la première fois et probablement la dernière. Et qu'est-ce qui se passe? À quel moment? Alors les filles, dites-moi, hein. Je vous mets ce son-là, votre avis, c'est quoi? C'est des menottes. C'est des menottes. Ah ouais, non mais sérieux, c'est des menottes, c'est voilà. Sûr. Ce sont des menottes. Non mais, sans déconner quoi. Mais professionnellement, tu sais bien ce que je t'ai dit. Tu sais bien ce que j'ai dit, stagiaire. C'est la dernière fois qu'on me demande d'aller sur YouPorn quand même. Oui, et donc, c'est la première dernière fois que tu parleras dans le micro. Au revoir, monsieur le stagiaire. Voilà, c'est des menottes. Voilà. C'est improbable. C'est improbable. C'est des menottes. Bon bah du coup mon jeu est tombé à l'eau, hein. C'est pas très grave. En même temps c'est ma faute, j'aurais dû écouter avant, c'est vrai, c'est ma faute. D'ailleurs je me mets une claque. Voilà, dans ma gueule. Bon, du coup, Olivier était avec nous là des Côtes d'Armor là. Bonsoir Olivier, rebonsoir Olivier. Rebonsoir, salut. Hey, bonsoir, salut Olivier. Alors toi tu voulais réagir par rapport à Vanessa toi, au niveau des déguisements et des jeux de rôle. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça me plaît les déguisements. La petite ménagère, ouais, c'est baissé avec le petit porte-jartel, là, c'est sympa. Ouais. Ah non, mais Olivier, si je peux me permettre, je pense que t'as pas trop compris mon délire. C'est pas la ménagère sexy, c'est la ménagère cradasse. Ouais, donc, c'est un porte-jartel pour le coup. Avec un petit porte-jartel. Ah ouais, moi, je veux que tu en courgette. Non, ça m'excite. Non, c'est un autre trip. Petite ménagère cradasse, pas de soucis. Hein. Petite ménagère salace. Oh. Mais oui, pourquoi pas, une ménagère salace, ça peut être bien ça, Olivier. T'as déjà fait des trucs comme ça, des jeux de rôle? Ouais. Des jeux de rôle, hein, pas des jeux de rôle. Des jeux de rôle. Oui, c'est déjà arrivé. T'as déjà fait quoi comme jeu de rôle? La secrétaire, plombier. C'était toi la secrétaire ? Non, c'est pas moi la secrétaire. Ah, je sais pas, hein, ça peut arriver. Hein. Non, donc, t'as fait le mécano, plombier le mécano aussi, la voiture en panne. Ah merde, alors il faut ouvrir le capot, et puis là, évidemment, le capot s'ouvre pas, mais pour essayer de le décoincer, il faut mettre la meuf dessus, et puis bah, se jeter dessus, quoi. Voilà, tout putain, je devrais faire, je devrais être auteur de films de cul, moi. Bah, tu sais, c'est facile d'écrire un film de cul. C'est pas compliqué, effectivement, ouais. Surtout, vous mettez le moins d'histoires possible. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, dans un film de cul, toutes les 4 minutes, il faut que ça baise. Et grosso modo, c'est ça. Moi, je me demande d'ailleurs, dans les films de cul, pourquoi ils s'obstinent encore avec leurs histoires. Non, si, mais non, ils font des efforts quand même. Non, ça dépend. T'as des films à histoire, et puis t'as les gonzo et tout ça, où il n'y a pas d'histoire. Non, mais d'accord, mais parfois, t'as des trucs de merde, je suis désolé, mais quand t'as des scénarios, mais en bois. Ouais. Tu sais, genre le hold-up. Oui, des trucs comme ça, ils arrivent. Je veux l'argent. Ah non, non, non, non. Sinon, je te baise. Oui, la Béfia. Tu vois, il y a vraiment, tu te dis, attends, ils sont sérieux ou ils sont pas sérieux avec non, ça. Mais non, il y a des vrais trucs, hein, genre là, Pirates des Caraïbes et tout, ça coûte quasiment aussi cher que le vrai. Hein. Ouais, mais d'accord, mais ça reste quand même très. Vous regardez les films de cul, vous ou pas, les filles, et même Olivier d'ailleurs? Bah, moi non, perso, moi, je regarde directement à l'action, tu vois. Ouais. Non mais c'est pour savoir si vous étiez tombé sur des films comme ça où il y avait des histoires en bois, ouais. Parce que ça reste quand même très limité, genre la majeure en fait, partie des films de cul. C'est une scène intéressante directement. Voilà, quoi, c'est ça, exactement. Ouais, mais le problème c'est qu'effectivement il y en a plein, c'est qu'ils regardent sur internet, du coup, voilà. Hop, ils zappent directement, ils s'en foutent du début, du milieu, etc. Ah bah oui. Mais bien sûr. Il y a Petit Panda qui dit, oh le retour de Petit Panda, Mickaël, vous me manquez trop de ne plus vous écouter, ça me rend triste, je fais un gros bisou. Mon teuf que j'aime fort, Apollo et à toi Mickaël. Bah merci Petit Panda, on attend toujours ton gâteau, hein, tu dois nous amener il y a 2 semaines, dimanche là. Ça nous rend triste. Ah ouais, ça aussi ça nous rend triste. Ah oui. Et King of the Limit qui s'est dit petite ménagère salace mort de rire. Bah oui, il aime bien ça, pourquoi pas. Et on a perdu Léa en cours de route, tiens, c'est dommage. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Bon Olivier, donc du coup, si jamais Vanessa ça t'intéresse ou ça, on peut éventuellement faire les échanges de numéros, hein, si jamais. Ouais, il y a pas de soucis. Oui, ça je me doute bien que chez toi il y a pas de soucis, oui. Je suis en camion, donc. Oh non, c'est bon ça le camion, elle fait péter le klaxon pour voir là. C'est bon. Hey, Olivier. Ouais. Je te nique. Ah merde. Bon, c'est moi qui me suis niqué là. Ah. Qui est le meilleur? Oui, Mickaël. On va jouer à un concert de klaxon. Ouais, mais c'est moi qui gagne, je peux te le dire, parce que moi j'ai un paquebot, alors arrête un petit peu dans ces... Ben oui, on a retrouvé le chat. Eh quoi? Non, c'est toi que je parlais, Léa, t'étais en train de faire... Mais c'est ça, j'avais retrouvé mon truc, c'est pourquoi. Ben voilà, c'est parfait. Julien qui dit aussi... J'ai retrouvé mon ronronnement. Très bien, enfin, quel ronronnement. Julien qui dit, je veux bien que Vanessa passe dans mon appart, qui est très très crade. Oui, mais... voilà. Beaucoup de gens souhaitent que tu viennes faire le ménage, Vanessa. Elle hein, donc, faire le ménage dans mon camion si elle veut. Très chaud. Ouais. Et comment il va le chat là? Il arrête pas là. Léa, t'es en forme hein? Oui. Oh, putain, maintenant elle fait le chat. Maintenant elle fait le chat. On est quand même pas gagné hein, ce soir. On est au taquet. Hein. Je me suis transformée. Il y a mes oreilles qui ont poussé aussi. Mon Dieu, mon Dieu. C'est quoi ça? Bah c'est un ronron. J'ai une machine. Oui, mais c'est qui ronronne comme ça? Bah c'est le chat, c'est notre chat. Vous avez un chat? Oh putain, Olivier qui est... Je sais pas si vous l'avez entendu, Olivier, mais il faut isoler. Hey, je caresse la chatte. Si on caresse la chatte, elle mouille. Ouais, Olivier, ouais. Effectivement, je pense que t'étais pas mal dans le domaine. Bon, dis donc, tant que vous êtes là, on a encore un petit appel à faire, là. Eh bah allons-y. On va y aller, là, ça dérange personne? Non. Encore heureux. Dis donc, le chat, là, il va se la mettre en veilleuse, là, où je te pique? C'est pas gentil. Non, je sais, c'est même très méchant. Je vais pleurer. Mais non, il faut pas, Léa. Bon. Oh, dis donc, Léa, comment t'expliquer? Tu crois que ça ressemble à quoi, un chat qui pleure? C'est pas limité. Oui, mais c'est mieux de limiter à un moment. Hein. Bon, Léa. Bon, je compte sur toi. On fait encore un appel. Ne parle pas trop fort, parce que sinon, ça va déranger la personne qu'on va appeler maintenant, d'accord? Déjà qu'on va bien faire chier à 2h du mat. Ouais. Donc bon, on y va. Donc Toff, on l'appelle toujours pour ce sondage anglais. Mais allons-y. Je rappelle que donc apparemment d'après ce sondage anglais, enfin cette enquête, c'est même pas un sondage, c'est une enquête. Les mecs avec des grosses couilles seraient des mauvais pères et auraient plus tendance à avoir des problèmes cardiaques. Oui. Donc on appelle pour des raisons médicales. Évidemment, c'est pour les prévenir. Tout à fait. On y va, on appelle. C'est parti. Allez, et faites pas trop de bruit dans le standard. Hein. Allez. Bon, normalement, ça décroche, c'est avec un auditeur qui nous a envoyé le numéro. Allez, allez, et on fera le top tweetos aussi dans un instant. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez plutôt des grosses ou plutôt des petites couilles. Moi, c'est plus dans la moyenne, quoi. J'en ai plus qu'une. Hein. Ah, vous en avez plus qu'une. Oui. Oui, forcément. Alors pour non, parce que pour ma statistique, alors ça. Bah, au niveau, ouais. Bah, il y a peut-être une page spéciale pour les monocouilles. Je suis cycliste, en fait. Ah oui, c'est pour ça. Non, c'est parce qu'en fait, les gens qui ont des petites couilles normalement ont moins de risques d'avoir des maladies du cœur. Ah d'accord. Ouais. Mais donc forcément si vous en avez qu'une là je peux pas vous aider donc je peux pas vous dire. Bon bah je vous remercie. Bah c'est moi, je suis désolé hein, monsieur, j'aurais voulu vous aider mais là je peux rien. Bon bah écoutez, au plaisir hein. Bah de même hein, à bientôt monsieur. Au revoir monsieur. Au revoir et une bonne nuit encore hein. Merci. Au revoir. Ah, il était ouais, lui était gentil. On a évidemment pas pu, on pouvait pas savoir qu'on est tombé sur un monocouille. Oui. Ah oui. Quelle était la probabilité de tomber à cette heure-là sur un mec qui n'a qu'une couille? Bah, déjà, quelle était la probabilité que ça ne décroche? Tu vois, donc déjà pas mal. Dis donc Vanessa, j'ai reçu un mail à l'instant là de Benoît qui dit Benoît du 24 qui dit un agriculteur, ouais. Ça l'attente ou pas dans une machine? Ça peut être sympa aussi. Il faudrait peut-être aller laver la machine. Sûrement, oui. Ah oui, si la machine est sale, faudra faire avec. Qui a déjà testé dans l'avion ici? Dans l'avion, oui, j'ai déjà eu l'occasion dans l'avion. Pourquoi Léa? Non, pour savoir. C'est bien. Bah oui, disons qu'il y a du monde quoi. Donc t'es obligé de faire ça. Déjà t'es obligé de prendre un avion vol de nuit pour y faire. Long courrier pour avoir le temps et pouvoir éventuellement recommencer au cas où ça foire. Donc voilà, donc c'est bien. Ok. C'est sympa, pourquoi c'est dans tes prévisions? Je sais pas, c'était juste pour savoir. D'accord. Bon. En fait, bah, voilà. C'est trop cramé toutes les façons dans l'avion. Bah non, c'est pas cramé justement. C'est pour ça. Bah, il faut faire ça dans un gros avion, style 700. Et me chauffez pas sur les avions parce qu'on est parti jusqu'à 6 heures. Ouais. Mais voilà, genre à 747, tu vois, c'est les gros là ou les 380. Bah, oui, bah, je connais. Je pars à la Réunion en avion à peu près. Tu vas pas à la nage? Ah bon? Non, j'ai essayé à la nage en fait. Je suis pas arrivé bien loin. Ah bon, tiens, c'est marrant ça. C'est bizarre. Non, mais tout ça pour dire qu'il faut effectivement un gros avion de manière à avoir de la place. T'es pas obligé de faire ça avec que je vais dire maintenant. T'es pas obligé de faire ça dans un petit avion en plein jour. T'es pas obligé de faire ça assis sur ton siège. Tu peux aller faire ça à plein endroit. Je rappelle que dans les années 380, t'as même une espèce de petit mini musée, tu vois, une salle d'exposition. Donc tu vois, à la pleine nuit, tu peux y aller. Hein. Et puis il y a des chambres dans les. Bah, ça dépend lesquelles, mais oui, après tu peux avoir des chambres. Ouais. Après, c'est de la triche, tu vois. À ce moment-là, quand t'es dans mais une chambre, quand même, tu peux. Il faut mieux éviter les sièges parce que si il y a une mamie derrière ou un truc du genre, ça va pas le faire. Ah ouais, bah vérifie, oui, il faut vérifier. Ouais. Et puis ça dépend où t'es, ça dépend comment t'es, ça dépend si tu connais des gens, ça dépend si tu peux te planquer. De quoi? C'est possible d'avoir le numéro à Vanessa? Alors l'autre il arrive en plein milieu en train de discuter d'avion avec lui là et aussi là. Est-ce possible d'avoir le numéro? Bon, ouais Olivier, Olivier, ouais. On va filer ton numéro à Vanessa. Voilà, ouais ok. Voilà, bon après elle t'appelle ou elle t'appelle pas, évidemment libre à elle, hein, d'accord? Ok. Bon, salut Stan, salut Olivier, merci à vous d'être passé. Hein. Ouais, vous allez pouvoir avoir un pack fun, là je vous repasse Kelly au standard. Salut tous les deux. Salut, merci. Ciao à vous. Bon, alors avant de faire, j'ai encore besoin de vous les filles, partez pas. Avant de faire la musique de fin, générique, tout ça. J'ai pas envie de partir moi. Bah oui, non mais je me doute justement, mais c'est pour ça que je compte sur vous pour m'aider sur la fin de l'émission là. Le top tweetos, on en est où là dans ce top tweetos là ce soir? Ça charge. Très bien, je rappelle le principe du top tweetos. Donc il faut évidemment faire un maximum de tweets tout au long de la soirée avec le hashtag Mickaël. Les quatre lettres, donc le hashtag et puis le M-I-K-L. Peu importe hein, si vous parlez dans l'émission ou pas, c'est pas grave, tant que vous mettez ce hashtag. Et donc, forcément, à la fin de l'émission, on va élire donc les top 5 des meilleurs auditeurs de la soirée, les plus influents sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. Bon, alors, attention, on va y aller, c'est bon, c'est prêt? 5%. Quoi, t'es qu'à 5% là? Non, il reste 5%. Ah, d'accord, ok. Ah, là, c'est putain, bon, là. Bon, alors, numéro 5, qui est dans le numéro 5? Qui est numéro 5? 4-5, c'est Gamer du 772. C'est nouveau ça, Gamer du 772, non, il me semble. Il était déjà là dans la semaine. Mais ah, d'accord, ok. Ouais, bon, bah écoute. Mais il est toujours bord d'être dans le top 5. Ah, ben ouais, voilà. Bah, bravo, Gamer. Là, t'es 5ème, t'as terminé, c'est pas mal. Numéro 4. Ah, là, par contre, c'est un nouveau. C'est quoi? C'est Nathan John. Ah non, c'est pas un nouveau, Jonathan, ça fait depuis le début, depuis le 22 juillet qu'il est là. Oui, d'accord, peut-être, mais c'est la première fois qu'il est dans le top 5. Première fois qu'il est dans le top 5, effectivement, ah oui, moi, bravo. Dans le top 5, je dis pas d'accord. Nouveau, dans les bon, trucs. Numéro 4, bravo Jonathan. Numéro 3. Donc c'est Perry Ferroni. D'accord, elle a gagné quand même gratté 3 places, ah, c'est pas 2 ouais. places, pardon, c'est bien. Numéro 2. Ensuite, Like Harlem qui était 4ème, je crois, au début de l'émission. C'est vrai, c'est bien aussi. Puis numéro 1. Bah. Let's Be Freaks. Bah évidemment. Bah voilà, encore bravo. Une fois, encore une victoire là, c'est quand même assez exceptionnel ça, hein. C'est pas mal. Ouais, non, bah, elle a beaucoup d'avance aujourd'hui. Elle a beaucoup d'avance. Hier, c'était pas grave. Ça s'était joué à pas grand chose ouais, là ce soir, beaucoup d'avance ouais. Ouais, c'est un 58 d'avance sur Like Harlem. Pas mal. Let's Be Freaks, il dit belle soirée en ta compagnie. Bah écoute, merci hein, Let's Be Freaks, encore une fois numéro 1 ce soir. Et il y a Cédric qui dit le monoboule mort de rire, il fallait tomber dessus. Ah bah oui, je te confirme là. Putain, comment t'expliquer qu'on a pas eu de bol hein. Et Damien qui dit je suis preneur pour la femme de ménage, hein, j'aime aussi les jeux de rôle. Bah tu vois Vanessa, t'as du monde encore qui est derrière là. C'est cool. Enfin, il y a beaucoup de monde qui aimerait bien être derrière, mais bon après c'est un détail. Bah on peut pas tout avoir. Bon. Je peux comment... dire quelque chose, Mickaël, avant oui, que... Je veux dire simplement, ta voix est très sexe. Ouais, voilà. Je te remercie, Vanessa. C'est bien aimable à toi. Le chat, un truc à dire? Mickey? Quoi? Ah. Minou, c'est nous, la petite rousse, là. Eh, c'est Laura. Bah, la petite beauté, oui, la petite là. Rousse, ça va? Oui. Bon. Oui, c'est elle qui dit oui. Tu peux la reconnaître facilement, hein, quand tu l'appelles, fais oui, ah, oui c'est elle. Ça. Voilà, donc, bon, mesdemoiselles, vous connaissez le générique de fin de l'émission ou pas? Oui. C'est quand ça dit, c'est la musique de South Park là, ferme ta gueule de mer, toi. Voilà. Alors j'aimerais bien qu'on la chante en chœur pour terminer cette émission. Ok. Donc je compte sur vous évidemment pour être bonne, d'accord? Ah oui, en chœur, eh, les filles, en chœur ça veut dire on chante tous ensemble et c'est pas en forme de chœur. Faites pas un chœur avec vos évidemment. C'est ton jamais. Si, on avait pas compris. Ouais, bah, non mais on sait jamais. Bon, je vous fais écouter le début, écoutez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé, à vous. Tape de sucer, pas l'enculé. Encule ton oncle, cul comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger. Manger. Bon là, je vous la fais comme ça, là, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Bon là, y a rien à faire. Hein. Non. Et c'est à la fin quand ça va. À la fin, comme ça vous l'avez en tête. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu, Polo est un gros porc. Ils sont canadiens. Alors attention, c'est là que je compte sur vous les filles. Attention, écoutez bien. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Et refrain. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Quand est-ce que tu sais, toi l'enculé. Et toi ton oncle t'as enculé. On est des enculés. Ah voilà, voilà. Donc, je vais pas la mettre jusqu'au bout évidemment. Attention, on va la remettre, on va la remettre. On va là, là c'était juste la version la version échauffement là. Bon, Laura, Léa, Ludivine, Vanessa, vous avez bien capté le bordel? Non, pas du tout, mais bon. Bah, la chanson, vous la connaissez quand même. C'est bon. Bah, il faut juste chanter en même temps. On avait fait un ta gueule de merde, toi l'enculé. Okay, il faut juste dire toi l'enculé quoi, c'est ça? Non, faut chanter en même temps quoi. Bon, suivez-nous là, suivez-nous. Oh là là, je sens que ça va être une catastrophe. Oui. Je sens que ça va être une catastrophe. Faites gaffe. Faites gaffe. Oui. Faites gaffe parce que vous allez en prendre une. Si jamais vous n'êtes pas bonne. Avec bah, c'est d'accord. Moi qui me l'a supprimé. Bah oui, je voulais un coup de fouet ou pas là? Ah oui, oui. Ouais, moi j'en veux bien. Sans déconner. J'en veux plusieurs moi. Bon, alors attendez, si c'est demandé si gentiment. Tu m'en donnes pas. Pas cool. De problème. Encore. C'est trop bon. Celle-là, elle va prendre cher. Ah ouais, celle-là, elle a pris cher, moi je vous le dis. Hein. Ouh, ça c'était le moins qu'on puisse dire. Ça vous a fait kiffer, Vanessa? Grave. Parfait. Allez, c'est parti. Générique de fin. Qu'est-ce que tu veux, le chat? J'ai pas eu mes coups de fouet. Bah si tu l'as eu, tiens, prends-le, tiens. Voilà, ça il est content, avec plaisir. Attends, il y a Toff qui voulait te dire bonjour aussi. Voilà. Ouais, il est dégueulasse, mais c'est normal. Bon, allez, on se remet la musique. Je compte sur vous. Vous êtes prête? Elle a quand même réclamé un coup de pelle. Oh, un coup de pelle maintenant. Voilà. Allez. 3, 2, 1, les filles, vous êtes prêtes? Ouais. Je compte sur vous, attention. Hein. Ouais. C'est parti. 3, 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi l'enculé. Comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger. Ton nom toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Que voulez-vous? Ce sont quatre femmes en chaleur qui n'y connaissent rien. Allez, attention, on arrive bientôt au refrain là. Bah, on va arriver au refrain. Vous êtes prêtes? C'est là, hein. Ça va faire toi l'enculé, etc. Attention. Toi l'enculé. Non, c'était un chien, on va recommencer. Non, vous avez été mauvaise. Oh putain. Ah bah oui, mais enfin bon, vous êtes mauvais. Mais on comprend rien, votre putain. Comment on s'en va? Mets le téléphone plus fort. Mets le téléphone plus fort. Bon, non, on y retourne. On comprend rien. Est-ce qu'on y retourne? Oui. Okay. Bon, alors oui. Attention. En fait, on va rester jusqu'à 6h du matin comme ça. Bah pourquoi pas. Non. Bon, on y va. T'es prêt? Ouais. C'est parti. 3, 4. Ferme ta gueule de merde. Évite, c'est toi l'enculé. Encule ton nom. Ferme ta gueule de merde. Toi l'enculé. C'est toi qui encule ton nom. T'es un nom. Toi l'enculé. Bon là y'a rien, vous inquiétez pas. Quel cochon. C'est ma partie ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Attention, on y arrive les filles, je compte sur vous. Attention, cette fois-ci, vous me la foirez pas. Hein. Attention, 3, 4. Voilà. Mais vas-y, j'ai loupé. Enculé. Ferme ta gueule de merde, enculé. T'aimes ça de pas m'en faire enculer. Oui, tous les deux. On est des enculés, c'est vrai. Et eh ben voilà. Et j'ai envie de dire, ferme ta gueule de merde. Exactement. Eh ben on va la bien la fermer là, tu vas voir notre gueule de merde, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Okay. On va la fermer nous, nos gueules de merde. Bon ben, merci les filles. Laura, il faudrait que tu t'achètes une vie là, parce que ça fait 1h36 c'est dans le standard. Pardon? Ah, je dis il faudrait que tu t'achètes une vie là, parce que ça fait 1h36 que t'es dans le standard. Hein. Oh, ah ouais. C'est 2h30. Ouais, enfin 1h36 que t'es à l'antenne avec nous et 2h30 effectivement que t'es dans le standard. Hein, c'est vrai. La petite rouge, j'attends ton numéro de téléphone moi. Mais t'inquiète, moi j'ai sur Twitter là. Ah bon bah. Il y en a qui ont cours demain en plus. Hein. En plus. Aujourd'hui. Eh ben autant dire que ça va être beau demain. Bon, mais merci beaucoup. Merci beaucoup les filles d'avoir été là ce soir. Ça vous a bien fait plaisir. Au revoir. Vanessa, Ludivine, Léa, Laura, je vous fais des gros bisous. Gros bisous. Ciao. Gros bisous aussi. Salut. Gros bisous à tous les auditeurs aussi, bien sûr. Allez, ben on embrasse tout le monde évidemment. D'ailleurs, on va embrasser Let's Be Freaks qui est encore là ce soir. Cédric, Romain, Quentin, Damien. Il y avait qui également? Jonathan, là, qui est fini quatrième ce soir dans le top Twittos. Il y avait Romain également. Miss Carter qui est une nouvelle et qui est là très très souvent. C'est cool, ça fait plaisir. Florian également. Pedro, Ryan, Alexandro, Romain, Chris, etc. etc. Enfin, Chris Bike pour être précis. Gros bisous les filles, à demain. Non, elle semble. Ah non, mais d'accord, ok, parce que Cali a déjà enlevé tout le monde là. Hop, terminé les mecs. Ouais, c'est fini là. Eh, ouais, dis donc qu'on a fait 10 minutes de plus là, quand ils expliquaient qu'il y a un moment, faut quand même pas se foutre de ma gueule. Bon, bah c'est pas grave. Allez, merci d'avoir été là ce soir. On se retrouve demain à partir de 23h. Peut-être, puisque je rappelle que le boss nous a invités à aller manger demain à 13h et que normalement ça pue. Hein, enfin, c'est rare qu'un boss vous invite à bouffer comme ça s'il n'y a rien comme problème. Ouais, mais il a peut-être faim. Peut-être qu'il a faim, mais il aurait été sans nous, tu vois, normalement. Enfin, on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant demain. Restez sur Facebook, Twitter aux alentours de 13h-13h30. On vous tiendra au courant de voir ce qui s'est passé. Bonne nuit tout le monde. Rencard demain dès 23h. Et puis, on va se faire péter le son dance floor non-stop jusqu'à 6h sur Fun Radio. Ciao. Mickaël. No limit. Tous les soirs. 23h-2h. Sur Fun Radio. Fun Radio. Yeah.